that sound? Come on now. 24 karat music. Don't fight the feeling, invite the feeling. Just put your pinky rings up. Move. Le nouveau Bruno Mars à l'instant sur Skyrock, le tout nouveau numéro 1 du 8 US s'appelle 24K Magic. On se le remettra dans la soirée. Ah bah écoute, très bien, c'est le son qui cartonne aux États-Unis, tu fais bien de le remettre dans la soirée. Il cartonne tout aux États-Unis, il cartonne en France aussi. Il était numéro 1 du 8 Skyrock ce matin, numéro 1 du 8 US ce soir. Il a relégué à la deuxième place du 8 US le Canadien, les The Weeknd avec les Français Daft Punk. Ok, ça marche. Bah merci pour tout, Steph. On va te retrouver dimanche prochain. Toi aussi, tu cartonnes, tu es là tous les week-ends pour le 8 US. Tous les dimanches à partir de 20h, nouveau classement à pas louper, ça sera dimanche prochain. Ok, vas-y, c'est parti pour la spéciale. Bonne soirée tout le monde, profitez bien. La spéciale de Difool, 21h minuit sur Skyrock. Je confirme, on va passer 3h ensemble et on va bien profiter de la soirée. En tout cas, j'espère que le week-end a été bon pour tout le monde. La spéciale de Difool, il y a Difool, il y a Romano, il y a Lamari, il y a Samy, il y a Karim, il y a Cédric le Belge, il y a tout ce qui vous a fait le plus halluciner dans la radio libre. On a Anne, 15 ans, qui va vous raconter sa toute première fois. Elle a appelé, quelques minutes, quelques heures après avoir fait ça. On aura également un témoignage totalement hallucinant, celui de Brahim et Mélanie qui vivent une relation totalement atypique. On aura Karima de Bordeaux qui est obsédée par son ex dans le cours de la soirée. Le problème du mois de Romano. On ira faire un tour chez les chéris de Pamela avec le grand retour de Francky Damien. Attention, événement également ce soir, j'ai le tout nouveau Soprano à vous passer. Soprano avec Marina Kaye en featuring. Sopra qui sera l'invité de Fred dès demain pour un planète rap de dingue. Mon Everest, c'est le tout nouveau Soprano. Vous restez avec nous, il sera à découvrir d'ici à minuit dans la spéciale de Difool, une spéciale qu'on attaque tout de suite. C'est parti, deux familles qui n'ont rien demandé à personne, c'est le double appel. Allô. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Ah bah, c'est vous qui avez appelé. Le double appel de Difool sur Skyrock. Hein. C'est parti pour le double appel, vous connaissez le principe, nous on dit rien. Ah, putain, un fax. Ah bah, il marche bien le fax, dis donc. Ouais, vas-y, rappelle-en peut-être un autre en plus. Comment que c'est? Ah. C'est qui? Qui c'est qui a l'appareil, là? Bah, c'est monsieur... Ah, vous vous trompez, là, monsieur? Ah non, c'est vous qui venez de m'appeler. Ben non. Bah si. Ah non. J'ai pas téléphoné. Ah ben moi non plus, c'est mon téléphone qui téléphone et je vous ai eu au téléphone. Qui? Bah vous, à l'instant. Qui, moi? Comment je m'appelle? Bah je sais pas, justement. Ah ben alors, vous êtes trompé de numéro, puis c'est tout. Ben non. Vous êtes chez moi, donc moi je réponds. Ben, au revoir. J'ai pas de communication avec vous, monsieur. Je vous connais pas, moi. Allô? Allô, oui. Oui, allô? Bah, je vous appelle pas, moi. Allô? Bah, moi, j'ai pas téléphoné. Là, le téléphone a sonné, j'ai répondu, c'est vous qui me rappelez. Ouais, autrement, j'ai pas fait de communication téléphonique, vous vous trompez, hein. Ah, bah oui, hein. Regardez le numéro que vous avez vu, puis vous verrez que ça correspond pas à ce que vous voulez, hein. Ah non, c'est vous qui m'appelez. Ah, bah, moi, je suis pas masqué, de toute façon, hein. Pardon, vous êtes qui aussi déjà au téléphone? Non. Patrick. Patrick. Vous pouvez répéter? Bah, moi, je suis Patrick, hein. Eh, je pourrais savoir qui vous êtes? C'est qui Patrick? Patrick Pauvre d'Arvor? Ouais, absolument, oui. Ah, bah, y a pas de problème! Vous pouvez venir! Tu me feras une pipe au champagne? Bah, écoutez, vous savez quoi? Le mieux, c'est la meilleure solution. Je vous ferai une pipe au chocolat, si vous voulez, même. Comme ça, moi, j'aurai les boules gratuitement. Si vous voulez, même, je vous ferai une pipe au chocolat, même, et vous aurez les boules gratuitement. Voilà. Et sur ce, je vous mets un doigt. Doigt dans la chatte, là. Hein? C'est quoi? Je vous passe mon oncle à l'appareil. Je vous passe mon oncle, ce serait plus facile. Il adore ça, lui. Ah. Mais non, je connais pas, c'est en privé. Ah oui, allô? Je vais te donner une petite combine, là. Oui, donnez-moi une combine, parce que là, je vois pas. Parce que moi, vous m'appelez, c'est en privé. Donc, tu l'éponges bien. Il veut une éponge, Patrick, pas de balabo. Oh. Allô? Allô? Vous êtes qui à l'appareil? Mais qui c'est qui est au bout du fil? Oui, mais ça me dit pas qui c'est. C'est une erreur. Hein. Oui, bah écoutez, c'est une erreur, au revoir. Et Boris? Maurice. Allô. T'as reconnu. T'as une grosse bite, hein. Ouais. C'est toi, toi. Bon, vous êtes qui à l'appareil? Patrick. Bah, Patrick, qui? Eh, vous avez fini de me faire chier, là. Moi, je vais faire une bonne plainte aux flics, vous allez voir un peu, hein. Faire le con. Moi, je vais voir un peu comment ça va aller, hein. Il y a du mal dans le tuyau. Ouais. Ben, je veux pas, mais bon, c'est ça, les amuse. Moi, ça me dérange pas, hein. Je paye pas le téléphone, je suis en limisé. Maintenant, on m'appelle en privé, ben, on m'appelle en privé, ben, bon, ben, en plus, c'est tout. Ouais. Google. Compagnie. Soit c'est un ordinateur, soit qui passe par une machine, une centrale vocale sonore par les ondes. par le biais de. On voit de J'écoute. Comment? Alors, c'est bon ou pas? Il va pas éjaculer tout de suite. Je m'as demandé si j'avais pas éjaculé, alors donc voilà quoi. Mais, écoutez, c'est ça, il peut pas éjaculer, il s'est fait opérer des testicules. Il y a un mot. Non, mais c'est bon ou pas? Comment voulez-vous qu'il passe quelque chose? Ouais, absolument, ouais. Obligé d'appeler son copain Mohamed pour venir l'aider. Oh putain, oh j'aurais tout alors, entendu. Écoutez, en plus, il faut que je l'amène chez le médecin pour qu'il passe trop coup de trou du cul parce qu'il a tellement sodomisé à sec. Hein, il a défoncé. Le Mohamed, il en a tellement une grosse qu'il en a perdu ses boules. On vous dit bonne nuit. Parce que là, maintenant, on doit se faire une pipe à 3. On sait pas comment on va faire à 69. Parce que là, c'est un peu dur. Hein. J'ai appelé 15 jours pour lui demander comment on faisait à 102. Il m'a dit, ça n'existe pas. Il m'a dit, par contre, à double 69, c'est très bien. Pourquoi tu l'as appelé de l'au-delà? Dieu est allé. Merci parce que on s'ennuyait. Alors il fallait un con qui nous parle au téléphone. Alors merci. Et au fait, je vais faire la vache. Allez. Merci. Au moins on rigole. Et là-dessus, on te fait un gros bisou. Allez, on vous fait tous un des gros bisous à la radio. C'est quoi comme radio? Allez, je te laisse, ciao. Tu nous laisses. Je suis pas défoncé, non? Moi non plus, allez, ciao, non. Ouais, je suis à poil, là. Eh ben, c'est bien. Salut. Allez, bonne continuation. Eh ben, salut. Également. Salut, ouais. La même. C'est un autre qui nous a fait un spectacle. Le mec qui nous a fait son one man show. Je voudrais remercier Mourad qui nous a laissé les numéros de téléphone. Mourad, tu sais que hier j'avais promis un truc, j'avais dit qu'on, si on a un bon double appel avec des numéros que vous nous laissez, on vous offre votre jeu FIFA 2016, FIFA 17, pardon. 17. FIFA ouais. 17. Oui. Eh bien, on va t'offrir toi. Et j'avais dit si on a vraiment un truc génial. Ah ben on te file le FIFA 18. Voilà. Déjà. Et FIFA, bon, et FIFA 19. Ouais, aussi. Alors, ouais. Un autre. C'est parti. On va avant ça, on n'a pas les. T'as pas les prénoms là. Non. Surprise. Y avait pas un Bernard qu'on devait appeler là? Un Bernard? Ouais, ouais. Bernard. Ouais, Nana. Ah, je vois du Damien, du Philippe. En tout cas, on est dans le 54. Ah. Allô? Oui. Ben, ça fait 20 fois que vous m'appelez, monsieur. Allô? Qu'est-ce moi, je vous appelle. C'est moi qui vous appelle. Oui. Je vous appelle. Je sais même pas c'est qui, vous êtes qui. C'est vous qui m'appelez, là, c'est pas moi qui vous appelle. Là. Écoutez-moi, ça fait 20 fois que je téléphone. Mais ça, il parle à le mec. 20 fois. Pardon? Allô? Oui, je vous appelle pas, moi, c'est vous qui m'avez appelé, là, tout de suite. Ah, oh, bah, écoutez, moi, je suis désolée, mais c'est un problème de téléphone, hein. Bah, oui, bah, moi, je suis pas dans le téléphone, et qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Non. Et tous les gens qui passent, ben, c'est un problème, il faut que je téléphone au PTT. Bah, téléphone au PTT, mais me téléphonez pas à moi. Téléphone pas à vous, parce que vous ne comprenez pas. Téléphone. Je vous souhaite une bonne soirée, au revoir. Il n'est pas net, celui-là. L'intelligence, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Punchline, a dit ça. Allô? Faire le bon numéro. Qui est-ce au téléphone? Tu veux te faire sur de midi, là? Ah. Espèce de connard, va ben, saloperie, va. Bon, ben, c'est enculé. Ben, moi, je suis Patrick, hein. Ben oui, c'est Patrick. Ah ouais, ça pas comme tout. Eh ben, voilà. Ah, voilà. Eh ben, là, ça a marché. Yo!

Voilà, tout à fait, ouais. Aïe. Elle a vu Reichmann? Bah, oui, sans doute. Ah non, mais au casting, Non, elle l'a pas vu. Elle a passé les castings avec plusieurs personnes, mais en fait, elle n'a pas été prise. Elle était trop normale. Il faut être déluré. Ouais, c'est ça. Oui, il y en a beaucoup de délurés, c'est vrai. Elle a passé un casting avec un mec qui chantait. Je suis sûr qu'il a été pris. Si il se foutait la honte, le mec a été pris. Carrément. C'est vrai? Et toi, quand elle t'a dit qu'elle allait faire le casting des 12 coups de midi, tu l'as pris bien? Tu t'es dit, oh putain de merde? Non, bah, je trouvais ça bien, mais bon, c'est ce que je lui dis. Il faut quand même. Faut se montrer, faut faire quelque chose d'inhabituel pour être prise. Ah, vous voulez. Il y a moyen de prendre de l'oseille quand même. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Ouais. Vous voulez le témoignage de quelqu'un qui s'occupe des jeux d'argent et qui regarde beaucoup les jeux d'argent à la télé, Romano? Lequel jeu d'argent tu ferais, toi? Les 12 coups de midi, tu peux gagner beaucoup. Hein. Ouais, mais il faut rester super longtemps. Bah, là, par exemple, Ça, tu te fais. T'es sûr qu'on te loupe pas, là? Là, c'est. En ce moment, c'est Christian. Christian. Le recordman absolu. Bravo, Christian. Il en est à 80 émissions. Bon, le mec, il en est à 450 000 euros. Oh putain. C'est bien. C'est le mec qui galérait, en plus. C'est le mec, il est arrivé. Il avait plus une thune. Je crois qu'il C'est bien, alors. Il lui restait 60 balles, je crois. Mais il avait quoi de spécial? Il chantait? Non, il a rien. En fait, le mec, il est plutôt sympa, tu vois, plutôt normal. Bon, par contre, putain, il pour des questions, l'enculé. C'est vrai que j'ai super. Ouais, tête, mais en plus, tu sens que des fois, ils veulent le baiser, essayer de le faire perdre. Mmh. Et même Reichmann, il est là. Ah ouais, vous savez ça? j'ai lu ça dans un bouquin. Oui, pouvez-vous me traduire bonjour Jean-Luc Reichmann en thaïlandais? Non, mais le mec, il est capable. Le mec, il trouve. Je pense qu'un jour ou l'autre, il se fera baiser, mais en ce moment, il est très fort. En tout cas, c'est un record absolu. Bah là, ça va aller. Il est arrivé avec 60 balles, il paraît 450 000 pour le moment. Ça va. Oui, c'est vrai, ça va. Bon, par contre, il est là depuis début juillet. Ah oui, il faut y rester quand même. Donc, ça fait plus de 2 mois, quoi. Ouais. Écoute bien, Romano, je vais te faire écouter un petit son et tu vas me dire si ça te rappelle des souvenirs. Des amours. Alors, t'as pas un petit témoignage sur les amours, Romano? Je regarde de temps en temps. Non, c'est pas ça comme témoignage. Je vais te donner un petit indice. Va se faire belle. La gothique. Tu vas rigoler, Amélie, là, ouais. Alors, le petit indice est la gothique. Non mais la gothique nous avait inscrit. Oui. Mais on n'y est pas allé. Oh, c'est dommage ça. Ça aurait été marrant. Tu peux aller au pré-casting. Non, je suis pas allé au pré-casting. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous avaient inscrit par téléphone. Et là, il y a une meuf de la prod qui nous a appelé. Et c'est moi qui ai décroché. Et la meuf a dit on serait intéressé. Il faudrait que vous veniez tel jour. Je fais non, mais finalement, on va pas donner suite. T'imagines, toi. Mais la meuf, elle a assisté. Elle me fait mais pourquoi vous devriez. Mais ouais, elle a raison. J'avais dit non, c'est plus, ça nous intéresse plus. T'imagines, ça aurait été un magnifique film qu'on pourrait se repasser régulièrement le soir dans l'émission. Oui, bonne raison de plus pour pas l'avoir fait. Ah, ça aurait été super ça. Vraiment, je suis déçu que tu sois pas allé, Romain. Ah ouais. Vraiment. Non, on n'ira plus. Tu l'aurais fait. T'aurais fait un souvenir, mais de ouf. Ce qui est pas mal, c'est que j'aurais pu lui foutre des coups de pancarte dans la gueule. Et puis Tex, il aurait fait des blagues. Ah grave. Alors qu'est-ce que vous préférez chez votre conjoint? C'est en crâne chauve, c'est dans le plastique. Ou alors sa générosité. Merci Tex. Là, tout le monde mord de rire. Ah bah oui, c'est Tex, très drôle en plus. Ah oui, ça. Bon, et t'as été sauvée, elle n'a pas participé aux 12 coups de midi, la maman. Ouais, voilà, dommage. Sauvée Amélie. Oh, à la limite, bon, c'est s'il y avait été qui prenait de l'oseille. Si elle prend 400 000 balles, ouais. Ça va, ouais. Ouais, après, il faut avoir comme niveau culture, il faut quand même. Juste que ta mère n'en a pas assez. Non, pas forcément, mais. C'est pas gentil, hein. Bah, un petit niveau. D'accord. C'est la spéciale du dimanche soir, avec le meilleur de Difool sur Skyrock. Bon, c'est bon, t'as retrouvé, Charles. Donc, t'as 17 ans, t'es à Biarritz. Ah oui, c'est toi qui veux nous parler de ton plan cul. Ouais. Très bien, il est bien le plan cul? Ben, ça va. Elle baisse bien? Ah, ben, ça va. Plan cul, en général, c'est là pour ça. Hein. Ouais, mais bon. Enfin, tu peux te trouver un plan cul, tu te rends compte qu'elle baisse mal, quoi. Et là, c'est bien con parce qu'en fait, t'as juste envie du cul avec elle. Ouais, et si elle te le fait mal, c'est pas bien. Alors raconte-nous, Charles, dis-nous. Ben en fait, cette meuf, elle voulait pas baiser si on n'était pas en couple, en fait. Alors cette meuf veut pas baiser? Bah oui. En général, les meufs, c'est comme ça, hein. Ouais. Ou alors, c'est des meufs qui veulent juste niquer. Ça existe aussi. Ouais, mais du coup, c'est pas un plan cul. C'est rare, mais. Non. Et du coup, pour moi, en fait, c'est un plan cul, mais pour elle, je suis son copain depuis. Donc ça doit faire 5 mois. Ah ouais, parce qu'en fait, la meuf, tu l'as baratinée forcément pour la niquer. T'as pas été clair au début. T'es un enculé. Moi je te comprends, t'es normal. Hein. Moi aussi, mais t'es un enculé quand même. Mais genre, tu lui fais croire que t'es amoureux et tout? On joue un peu la comédie, quoi. Mais elle lui dit je t'aime et tout? Ah ouais, est-ce que tu lui dis je t'aime? Est-ce que tu lui susurres des petits mots doux dans l'oreille? Ma chérie, mon bébé, je t'aime. Attends, attends, mon bébé d'amour. Ouais, bah, en fait, faut bien, faut bien te faire croire. Bah, tu fais ça quand t'as envie de baiser, oui. Ouais, mais étonne-toi pas qu'elle a envie de devenir ta meuf officielle. Tu lui as jamais dit que c'était ton plan cul. Bah non, sinon je pense que ce serait vite fait. Ah ouais, faut bon. Eh, vous n'êtes pas sur la même fréquence tous les deux. Skyrock, bien sûr. T'as pas été foutu de lui parler parce que là, c'est pas possible. Hein. Charles, tu vas te faire pourrir, l'autre elle est en colère. C'est une mégère. Ah, non, bah, je suis pas en colère, mais enfin c'est con, tu vois, parce que du coup, tu te fous dans la merde, elle doit être malheureuse. Quoi, tu te fous dans la merde, pas réellement, toi t'es content, bah non, tu baises. Mais là, elle est heureuse parce qu'elle sait pas, mais moi ce que je veux savoir, c'est si je dois continuer ou. Bah, alors, si, voilà. Les filles, dites-nous comment vous réagiriez. Bah, continue, gros. Subjonctif de l'imparfait du présent. Comment vous réagiriez si un mec comme Charles, genre, depuis 6 mois, il vous dit je t'aime, vous êtes super amoureuse, et puis vous apprenez, ou alors vous écoutez la radio le soir, vous écoutez Sky, vous branchez, vous dites tiens, et là, tu tombes sur un mec, t'entends ton mec, et il dit ouais, alors là, t'es comprends rien, l'idiote, parce qu'elle veut être coupe pour que je la baise. Voilà, moi je la quête. Et j'arrête pas de lui dire mon bébé d'amour, je t'aime. Quel connard. Ah voilà, donc ça c'est la première réaction d'une fille. C'est Marie, je t'avais dit. Romano, ah bah ouais, t'as ouais, prévenu. Elle est de toute façon, elle est agressive. Elle n'a rien à boire. Elle est agressive. Comment tu vas bien sûr. Elle a pas bu depuis combien de temps? Ah bah 2 heures. 2 heures. T'imagines deux, pas une, mais non, deux. Étant à la place de ta meuf, enfin pas ta meuf du coup, mais ouais, je te détesterais quoi. Ouais. Non mais c'est vrai, tu te mets à la place de la meuf, c'est horrible pour elle. Mais bon là, pour le moment, c'est pas horrible. Elle se rend compte de rien. Bah ouais. Oui, oui. J'ai des petits remords quand même de temps. Ah, le problème, c'est que je pense que t'as un peu tiré sur la longueur. Tu l'as tiré sur la longueur. Ouais, ça fait longtemps. Ouais, bah, ça fait 5 mois, tu vois, à la limite. Tu peux faire cette comédie. Un mois. On va dire un mois, ouais. Ouais, ouais. Après, la meuf, c'est. Parce que là, ce qui est horrible, c'est que la meuf, elle est amoureuse de toi. Elle va tomber de haut, la pauvre. Je le tue pour Marion. Message de Marion. Hashtag Radio Libre. Il y a Jaja, lui, il a 22 ans. Il dit les divergences. Il fait une petite analyse. Les divergences de couple, comme ça, dans un couple, c'est pas bon. C'est vrai, c'est pas bon, parce que elle est persuadée que, elle est amoureuse et toi t'as envie de la baiser. Non mais de toute façon, ouais, c'est de la merde. Ah, voilà la vie de Romano, c'est de la merde. Je lirai vos autres messages, je vois tiens, Jackpot qui dit c'est un bâtard. Non mais parce que dès le début, les sentiments ils sont grugés en fait. Je dirai après. Toi t'as jamais eu de sentiments pour elle et elle y a cru, elle en a beaucoup pour toi et c'est horrible. Tu es un monstre. Tu es un monstre. Il n'y a pas faire la Romano. Je suis un monstre, moi aussi dis-le. Oui, Cédric, t'es un monstre. Tu es monstrueux physiquement, t'es ignoble. Je crois qu'il est au courant. Tu me donnes envie de vomir. Ouais, trop bien. Ça lui fait plaisir. Voilà. J'aime bien, on parle de moi. Pour revenir à toi, Charles, je fais le buzz. Je fais le buzz sur Skyrock. Tu fais quoi? Le buzz. Non, le buzz. Ah, le buzz. Oh, voilà. On parle de moi, je fais le buzz. Là, t'as trop tiré sur la longueur. Mais à part baiser, vous faites quoi ensemble? Tu l'emmènes au resto? Genre, là, depuis le premier temps. On se voyait normal, et là, maintenant, dès que je la vois, c'est dans le lit, dans ma chambre direct. Ouais, vous niquez, et puis après, salut, quoi. Tu t'étonnes qu'elle se pose des questions. Voilà. Et tu dors avec elle? Ouais. Non, mais en plus, là, ça. Non, elle dort par terre. Je la vois pas. Ouais, l'autre jour, je la vois pas, j'ai marché dessus. Oh merde. Non, mais... il était par terre. je te nique dans le lit, mais par contre, après, tu dors par terre. J'ai cru que c'était un tapis. Ouais. Non, mais attends, dans ces cas-là, non, tu. Non, mais elle dort même pas, elle s'en va direct. Non, mais tu sais, le mieux qui puisse arriver, ça serait qu'elle s'en rende compte et qu'elle te largue. Non mais comme ça au moins, non mais t'as rien à faire. Comme ça, toi tu la gibonnes et le jour où elle te largue, elle te Non mais t'auras pas à lui avouer que voilà, toi t'as jamais eu de sentiment, que c'était juste un plan cul. Voilà, la ouais, ça sert à rien de lui dire, ça la fera souffrir. Oui, elle va être malheureuse. Le mieux, ça serait qu'elle te largue. Puis après, elle va devenir parano dans sa vie sentimentale. Elle va croire que tous les mecs veulent que la baiser. Faut que je me fasse détester un peu. Non mais là, je pense peut-être, Non mais je pense que, comme disait Marie, la meuf, si elle est pas idiote, elle va s'en rendre compte. Ah oui, tu dois le sentir. Si la meuf, tu l'appelles juste pour qu'elle vienne se faire niquer et derrière. Tu sais quand t'es amoureux. Tu sais, moi j'ai un pote à moi qui me racontait, il était avec une meuf depuis 2-3 ans et il s'est rendu compte que sa meuf le faisait cocu depuis plus d'un an avec 2 mecs qui se sont suivis. Donc il y avait un mec pendant 6 mois, un autre mec pendant 6 mois. C'est sympa. Ils sont engueulés, ils sont pris la tête avant les vacances et là le con est retourné avec. Et je lui ai dit, mais tu fais que de la merde. Ah oui. Ça va repéter. Et il est retourné avec là. Ouais, mais tu veux. Il a perdu 15 kilos. Si vous voulez maigrir, c'est pas mal. Hein. Ah bah, t'es vraiment amoureux. Quand il y a eu la séparation au début de l'été, il a perdu 15 kilos pendant l'été. Ah bah super. Je lui souhaite bon courage, il va en reperdre 15 dans 2 mois, c'est ce que je lui ai dit. Mais bon. Ouais, bon après, chacun fait ce qu'il veut au final. Donc ta copine, tu l'as jamais. T'as qu'une meuf, hein, toi. T'as pas d'autre meuf, Charles. Ouais. Donc tu peux lui dire que je t'ai jamais fait cocu, ça par contre. C'est vrai. Non, mais en même temps, ils ne se sentent pas en couple. Donc bon. Bah ouais. Non, mais de toute façon, elle va s'en rendre compte, elle va te dégager. Bah, puis déjà, ça sera c'est réglé. Bizarre qu'elle le sente pas. J'ai dit, il faut que tu te fasses larguer, c'est le mieux. Oui. Quelques messages, tu veux que je te dise quelques messages? Moi, mon mec, mon mec me fait ça, je le tape, quel enculé, sale pute, connard. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bâtard, bâtard encore, deux bâtards à la suite. Hermine, bâtard, qui me dit encore. Salope. Non mais ah, tu te ferais têter même de salope, t'imagines, Charles? Non, bah, c'est tous les noms. Il y a 535, c'est pas grave. Il faut que tu profites de la vie à ton âge. Il faut s'attacher à une meuf, faut baiser, profiter. Mais parfois. Bon, carré juste en dessous, c'est un bâtard ce mec. Non, mais tu te fais plus insulter que le reste. Ouais. Audrey, elle a un plan cul depuis un an. Il y a son numéro, tiens, on peut essayer de l'appeler. Et tu sais, Charles, il y a des histoires d'amour qui naissent comme ça aussi. Alors, au début, tu baises, t'as juste envie de baiser, puis après, tu t'attaches à elle. Toi, t'as jamais eu un moment dans les 6 mois où tu t'es dit, oh bah, tout compte fait, elle est pas mal, cette meuf, ça pourrait être ma meuf, je l'aime bien, tout ça? Pas trop, parce que dès que je reste un peu avec elle, elle m'énerve un peu, donc. Pourquoi elle t'énerve? En plus, tu ne la supportes pas. Oh putain. Qu'est-ce qu'elle fait qui t'énerve? Hein, Charles? Je sais pas, j'aime pas trop son caractère ni là, mais par contre, elle est bonne. Elle est pas mal, donc. Non, mais genre, quand elle parle, elle dit que de la merde. Ouais, voilà, je l'écoute pas après. Donc, oh la pauvre. Non, mais c'est pas une. Et pour elle, ça va être horrible. Pas bah, si, elle doit le sentir, je sais pas. Elle vient, tu la baises, elle repart. T'es gaffe. Bon, déjà, quand t'es en couple. C'est bien fait. Bon, au moins, je sais pas, tu passes quelques minutes avant, quelques minutes après. Bien sûr, tu discutes, quoi. Au minimum. Ouais, vous envoyez des messages, des trucs. Ah ouais. Donc elle doit s'en rendre compte. En échange. Chaque fois, a priori, non. Chaque fois que vous voyez, c'est juste pour baiser. Elle ne se rend compte de rien. Ouais. Et en plus, tu lui mens, quoi. Bah ouais. Quelle salope ce mec. Ah ouais, sale pute. Oh là, il y a des insultes. Il y en a qui sont très énervés. Oh, bah, on se met à la place de ta meuf. Ça vient du cœur. L'inconnu qui nous a laissé un message, là, il s'est lâché l'inconnu là. Non mais c'est vrai aussi, pourquoi elle s'en rend pas compte, quoi? Et si lui dit je t'aime tout le temps. Bah non, mais là, il y a 30 secondes, tu disais le contraire en disant forcément la meuf elle doit s'en rendre compte avec l'attitude que t'as. C'est vrai. Ouais, parce que l'attitude devrait lui mettre la puce à l'oreille. Ouais, mais la meuf après j'ai. Mais les bébêtes? Elle est pas fut-fut. Non, mais il y en a, tu sais. Non, mais il y a aussi des garçons, hein. Il y a rien de. Cédric, il est bébête, mais il est gentil. Voilà. Sarah, Charles, vous êtes là? Très bien. Je vous mets en face à face sur le ring. C'est parti. Oui, c'était pour te dire que t'étais vraiment un gros connard et un vrai bâtard. Je l'ai prévenu. Merci. Merci. C'est arrivé à ma meilleure amie et ça lui a fait trop de mal parce qu'elle s'est rendue compte qu'au final, il foutait de sa gueule. Donc le mec, il était juste là, juste là pour baiser, en fait. Voilà. Il n'aimait pas, pas de sentiments. Moi, quand même. Hein. Ouais. Et elle est encore mal à cause de ça. Donc je ne sais pas pourquoi il fait ça. Il est complètement débile. Enfin, ouais, mais comment tu t'appelles, mademoiselle? C'est Sarah. Ah, Sarah. Mais ta pote, à aucun moment, elle s'est rendue compte que c'était chelou, un peu, la relation? Non, mais elle est un peu con aussi. C'est sympa. Je n'osais pas le dire, mais tu l'as fait à ma place. On la salue. Bisous Anaïs. Bisous Anaïs, bisous. Voilà, la meuf est au bout du rouleau. Elle t'écoute, ouais, en plus elle est un peu con celle-là. Non mais sérieusement, je comprends pas et c'est vraiment bâtard de faire ça. Ouais, à mon avis, ça a été un cercle vicieux pour Charles. Tu vois, c'est pas pour l'excuser, mais c'est vrai que tu t'es tellement fait traiter sur les messages, les filles ont été déchaînées contre toi, Charles. Ça va, en fait. Des mecs, hein. Oui, même tes porte-parole des filles qui ont laissé des messages depuis tout à l'heure. Bah oui. Mais c'est un cercle vicieux au début, tu le fais croire que tu l'aimes parce que c'est le début. Et puis après, tu sais jamais quand est-ce que tu vas lui dire la vérité. Ouais. Enfin, surtout parce que t'as tes couilles et divise un moment, je sais pas. Ah, mais ouais, mais exactement. Non, mais oui, mais t'as pas envie de lui dire la vérité, parce qu'en attendant, tu baises. Donc, Si je porte mes couilles, elles vont plus viser, c'est ça le problème. Bien vu, ça. C'est n'importe quoi. Ouais. Non, mais il y a plein de filles qui veulent coucher juste comme ça, donc pourquoi elle, forcément, elle te dit qu'elle veut un truc sérieux? Tu veux pas? Tu lui dis non dès le début. Exactement. On verra. Charles, voilà la réplique de Charles. Non, je pense qu'il va continuer son plan cul, Charles. Ouais. Je vais voir jusqu'à combien de temps ça dure comme ça. Je disais, il y a des filles, mais aussi des gars. Non, mais je te dis, je vais dire le message de Tom. Oui, continue à être comme t'es. C'est-à-dire que la meuf, je pense qu'au fur et à mesure, elle va s'en rendre compte. Si tu vas juste pour la baiser, et l'idéal, ce serait qu'elle te largue. Voilà, comme ça, t'as pas 10 000 explications à fournir. Et il y a Tom qui De toute façon, elle va avoir mal quoi qu'il arrive. Oui, mais bon, elle aura moins mal. C'est elle qui décidera de te larguer. Ouais, sauf si elle en a marre de toi petit à petit. Comme ça, elle sera contente de te larguer. Elle limite, et si elle s'attache, elle est attachée déjà. Bah, faudrait juste qu'elle. Charles se fasse détester. Non, mais la meuf, elle est pas neuneu. Elle va bien se rendre compte à un moment donné que tu la prends pour une conne. Bah, j'espère. Après, tu baiseras moins, Charles. Maintenant, on voit d'autres. Regarde, il y a Tom. Je voulais lui donner un message de Tom. Bien sûr, il y en a. Je suis sûr que tu vas être d'accord, Sarah. Tom, il dit. L'auditeur, il a 18 ans, hein. L'auditeur, c'est un enfoiré. Il est irrespectueux. Et si tu veux un plan cul, t'as qu'à aller sur des applis. Mais voilà, il y a plein d'applications. Enfin, il y a au long de 2016, quoi. Oui, il faut être clair. Ah, il y a Grosse Pute, par contre, respect à Charles. Merci, Grosse Pute. Salut à toi. Ah, Colonel Charlie aussi. Je suis à fond avec Charles. Il a raison, le poteau. Il se vide les couilles. Ouais, non. Il lui donne du plaisir à la meuf. Il fait pas de mal. Donc, tranquille, man. Ah, mais tant qu'elle est au courant de rien, elle est heureuse, hein. Ouais. Bah, pour le moment, oui. Ça, c'est le jour où elle va tout découvrir, là. Elle va se faire un sacré coup dans la gueule. Oui. Je suis même pas sûr qu'elle soit heureuse, là. Ken Duff, qu'est-ce qu'il dit? Faut pas abuser avec les sentiments des filles, faut les respecter. Niu, qu'il dit. Bah, évidemment. Non, mais il a pas tort. Tout le monde. C'est bien, Ken Duff. Niu. C'est pour dire qu'il y a pas que les, y a pas que les filles qui sont de ton côté. Sarah represent. Non, puis elle est forcément amoureuse parce qu'elle vient juste pour la nuit. Non, mais après, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'elle s'en rend pas compte, vu ce que tu nous as raconté. Oui, ça, je suis d'accord. C'est bah, elle est tombée amoureuse. Hein, non, a priori, elle est comme ta copine Anaïs, elle n'est pas fut-fut. Mais l'amour, ça rend pas fut-fut parfois. Ouais, c'est vrai, ouais, tu fais des trucs à la con. Ouais, parfois, t'es le seul à pas te rendre compte qu'elle te prend pour un con. Oui, ouais. C'est vrai aussi. Et on a beau te le dire autour de toi. Ouais. Bon, bah écoute, j'espère qu'elle s'en rendra compte pour elle. Charles, j'espère que tu vas t'amuser pour toi. Moi, je reste neutre, hein, vous avez vu. C'est tellement fait traiter, Charles, que j'ai même pas envie de t'accabler. Moi, je suis pas neutre. Tu vois, je suis bourré, moi. Non, pas vraiment, mais. Non, parce que je pense à elle, la pauvre aussi, ça fait de la peine. Bah ouais, c'est clair. Ah bah ça elle va dérouiller elle. Bon toi ça te fait du bien. Mais bon. Oh l'enfoiré. Non ce qui serait bien c'est que tu tombes amoureux d'elle. Mais a priori c'est mal barré, hein. Ah bah pas trop. Ah, pas pour elle, ouais. Sarah elle veut pas elle. Bah t'inquiète, la roue tourne. Et la roue tourne va tourner également. Un jour t'auras des soucis avec Nala. Ribéry sort de Marie. Ah Ribéry dans mon cul. Ah sors-le. Au secours. Bon Sarah on te fait un gros bisou. Merci du coup de fil. Charles tu me tiens au courant de la suite de ton histoire. Ah on veut des nouvelles, hein, Charles. Tu nous dis. Ouais, pas de soucis, on va voir. Tu vas te faire démonter. Ça roule. Pas qu'elle écoutait pas. Ouais. Et on salue tout le monde à Biarritz. Et Sarah, t'étais où toi? T'étais dans 92? Oui. T'es où? À Boulogne. Et bon, salut. Boulogne. Bisous, Sarah, ciao. Ciao. Et vous envoie un t-shirt Skyrock à la maison à tous les deux, là. Ouais. C'est la spéciale du dimanche soir. Avec le meilleur de Default sur Skyrock. Et l'arrivée de Quentin. Quentin, lui, il a un souci après avoir été sur des applis de rencontre, notamment sur Tinder. Pour la suite de la spéciale, également l'arrivée du poteau Romain. Romain, il habite à Lille. On l'avait déjà eu il y a quelques mois. C'est le sosie de Jean-Paul Rouve. Il se trouve très très moche. Et là, il a une idée pour essayer de s'embellir. Vous allez tout savoir dans quelques minutes. Je prendrai vos inscriptions aussi pour le jeu des 1 500 €. On va se faire ça. Allez, dans une demi-heure, c'est promis. Les 1 500 € à choper toutes les 30 minutes demain matin dans le morning. Et puis n'oubliez pas également que d'ici à minuit, vous découvrirez Mon Everest, le tout nouveau soprano featuring Marina Kaye. Ça sera à découvrir d'ici à la fin de la spéciale de Default. Lance mais le tout nouveau Bruno Mars dans une petite minute 30. C'est 24K Magic, nouveau Bruno Mars sur Skyrock. Dans le morning de Default sur Skyrock, elle t'offre 1 500 € toutes les demi-heures si tu réponds Skyrock. Quelle est ta radio préférée? Skyrock. Eh ben c'est gagné. Bravo. C'est gagné, Fabien. Bravo, ouais, Fabien. Bravo, Fabien. On apprend des nouveaux mots. Et on va où? Dans une... Une supérette. Une supérette. On appelle ça supérette. On teste des arnaques. De les 200 € n'en parle plus. Hein. Eh ben tu passes, je te ferai voir comment que je m'appelle moi. On se fait de nouveaux amis. C'est soprano. C'est qui le soprano? Soprambaba. Non mais vous êtes un des tranquilles ou quoi là? Et on sort les dossiers. Vous avez déjà fait des trucs bourrés que vous regrettez aujourd'hui? Sortir avec Romano? Ah ouais. Oh. Toi aussi, réveille-toi avec le morning de Default tous les matins entre 6h et 9h sur Skyrock. L'année n'est pas finie. Non, moment au 71777. Des conseils, des idées pour bien aborder l'avenir. Envoyez moment, M-O-M-E-N-T, au 71777 et nos astrologues sauront vous guider vers la sérénité. Le meilleur des futurs, des réponses à vos questions. Moment au 71777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Concert. Écoute, hoche, la tête si t'accroche pour nos familles et nos proches. Sorti de nulle part. Sniper revient sur scène. Sur scène, ils ont choisi Skyrock. Le 22 novembre, viens retrouver Sniper pour un concert unique. Sniper en concert avec Skyrock, 22 novembre, Zénith de Paris. Brûle, Babylone brûle. Toutes les infos sur skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de Default. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. Let's set this party on fire. Skyrock. Et puis Romain est avec nous en direct de Lille ce soir. Salut Romain. Salut Diffoul. Salut Romain, comment vas-tu? Ça va, tranquille et toi? Écoute, ça va, tranquille aussi. Alors Romain, ouais, donc on va parler de tatouage. Parce que toi en fait, pour résumer, d'après ce que tu nous as dit, tu t'es fait des tatouages et ça te pose un problème. C'est quoi le problème? Non, c'est pas les tatouages qui me posent problème. C'est justement, je fais des tatouages pour me cacher en fait, si tu veux. Des tatouages pour te cacher? Pourquoi? T'as une peau dégueulasse? Ouais. Non, mais c'est pas ça, mais en fait, je vous avais déjà appelé il y a quelques mois, je sais pas si tu te rappelles. T'as rappelé pourquoi? Je me rappelle pas, franchement. Justement, parce que j'étais complexé, je t'avais montré mes photos, etc. Mais c'était toi qui te trouvais moche et qui était pas moche, c'est ça? T'avais même dit que je ressemblais à Jean-Paul Rouve et tout. Oui, je me rappelle de toi, t'es tout maigre. Ah oui, je me souviens, ouais. T'es tout maigre, ouais, mais non, tu vois, je me souviens. Ah, et t'as le nez un peu de traviole. Voilà, t'as le nez un peu. Mais c'est sympa. Mais tu sais que le nez te donne du caractère, Romain, là. Un peu trop difoule. On salue tous les complexés qui nous écoutent. N'hésitez pas à aller voir les photos des membres de l'équipe. Mettez vite une photo de Cédric, s'il vous plaît. Ouais, mettez donc, allez voir les photos des autres aussi, si vous pouvez. Donc, pas que Cédric d'ailleurs. Non, on a tous des petits complexes. Jean-Paul Rouve, c'est le grand, on nous dit là. Oui, c'est le grand qui a joué dans quoi, Jean-Paul Rouve? Les Robins des Bois. Voilà, par exemple. Oui, il était dans les Robins des Bois et puis il a joué dans les Tuches. Voilà. Il a fait les Tuches. Et en plus, il est nordiste comme toi, je crois, en plus, Romain. Je sais pas s'il est nordiste. Si, je crois qu'il est nordiste, Jean-Paul Rouve, là. Je sais pas du tout. Donc, faut pas complexer, on a tous des petits défauts. Même moi, je suis persuadé, je vois pas comme ça, faut que je réfléchisse un peu. T'es aveugle. Parfait. Mais je suis. Non, je ne suis pas aveugle, je vois très bien, je trouve pas, Romano, tu es chaud. Non, parce que le problème qu'il y a, c'est que tu dis que t'es complexé par ton visage, mais j'imagine que tu t'es pas fait tatouer la gueule. Pas encore justement. Non mais fais pas ça, c'est horrible. Donc tu penses que les tatouages, ça va te... Mais tes tatouages, ça change pas de gueule, hein. T'embellir. Bah ouais. Après les tatouages, ouais, ça peut être joli. Mais hein. tu fais quoi comme tatouage? Sur la gueule, bon. Tu te ferais quoi comme tatouage sur la gueule? Ah non, j'en ferais pas. Non. Un billet de, non, un billet non. de 50, 500 euros. Tout le monde te regarde, laisse tomber. Toi, tu veux te faire un tribal, toi? Tribal Romain. Sur la gueule. Ouais, bah, un truc tout con, tu vois, mais. Ah ouais, mais tu vas regretter. Non, il faut que tu fasses un truc qui, ouais. Non, moi, les seuls mecs que j'ai vus avec des tatouages sur le visage, c'est les mecs des gangs, tu sais, aux États-Unis là. Avec des larmes. Avec des larmes, ouais. Tu sais, des non, mais même pas que des larmes, tu vois. Ah, les maras. Ouais, les maras, les MS13, ils mettent un gros 13 sur leur visage. Alors les MS13, c'est la mafia latino de ouais. Los Angeles. Ouais, c'est ça, man. Partout ça. En fait. Hey, ils ont des bêtes de tatouages sur le visage, t'as les fous, gros. Ouais. Bah ouais, sinon, il y a des criminels français qui en ont. Ouais, ah bon. Ah non, il y a Alonso aussi. Si, parce que cet été, j'ai lu un truc sur les criminels français. Waouh, t'entends, Romain, tu vas devenir un criminel. Ouais, je sais pas, vous vous souvenez du mec, tu sais, qui est en prison, là, et qui a mangé le poumon de son condétenu, là. Ah, le, ah oui, oui, oui. Bah lui, il a le visage tout tatoué, par exemple. Pourquoi? Bah parce que le mec, c'est un ouf. C'est un ch'tauf, ouais. Donc, j'ai vu des photos de lui. Ah bah, lui, il bouffait un poumon, ouais. Lui, il a la gueule tatouée, et lui. Et puis t'as le mec aussi, tu sais, qui est tout en squelette, là. Ah oui, qui a tatoué aussi, ouais, c'est vrai, ouais. Tu vois de qui on parle, Romain, là, le mec qui s'est fait tatouer le squelette? Ah ouais, non, mais c'est hallucinant, ouais, ce truc. Zombie Boy, là. Zombie Boy. Ouais, c'est un acteur, ce mec-là. Zombie Boy. Non, mais c'est impressionnant, ce truc-là. Ah, impressionnant, puis c'est particulièrement moche, en plus. Oh, c'est horrible. T'as l'impression de voir un mort vivant, à la limite, ça peut plaire à des gothiques. Ah. Bon, vous avez des complexes? Allez, je vois des messages. Lamparde, qui nous dit, donc 41759, appelez Skyrock pour envoyer vos messages et le skyrock.fm. J'ai une bite trop large. Eh ben voilà. Bah, moi, j'ai tu vois, Lamparde, tu m'as donné une idée. Exactement le même complexe que j'ai, moi. Tu vois, je vais pas m'en faire couper un bout, je vais pas me la tatouer, Romain. Tu vois? Oh, ça va faire un mal. Ah, tu pourrais, hein. Je veux pas, bah, non, bien, oh. Bah, non, je vais pas me la tatouer. Oh. D'abord, tatouer la bite, je saurais pas s'il faut me la faire tatouer au repos ou en bandant. Non, je crois que c'est en bandant, non? C'est en bandant, tu crois? Ça dépend, c'est en bandant. Ça dépend. Ah ouais, moi, tu peux bander avec la douleur du tatouage. Ah ouais, c'est clair. Ouais, puis, bon, mais tu prends des produits. Pas, non, tu tapes un Viagra ou un truc ouais, comme ça. À mon avis, c'est ça. Ouais, puis il faut que ce soit une tatoueuse, c'est plus facile, en fait. Mais sinon, les gars, il y a Swagman aussi qui a des tatouages partout sur le visage. Ah oui, Swagman qui est swagué partout, ouais. Qui est swagué, qui est tatoué partout. Ouais, partout. Qui est swagué. Dans ces cas-là, ça donne envie de le faire. Hein, t'as l'argument qui tue quand même. Lui, ouais. S'est fait Louis Vuitton sur la tête. C'est magnifique. Ouais, puis il a une marque de voiture aussi, là. Oui, oui, il a tout, coup, lui. Là. Mais toi, t'as envie de te faire quoi comme tatouage sur la gueule? Zombie Boy. Un tribal. Sur tout le visage? Bah, en gros, Non, mais bon, bah, derrière. Celui pour taffer, tu vas galérer quand même. Ah, bah oui. Tu vois celui que Mike Tyson, il a. Ah, tu veux devenir Mike Tyson? Non, mais un peu le même, mais en plus grand. Ouais, en plus grand. Bon, vas-y, tant qu'on y est. Non, mais. Non, mais t'es taré, fais pas ça. Alors, Marie, tu vois, elle en pense pas du bien. Ah non, après, non, c'est clair. Des tatouages, j'en ai déjà. Enfin, j'en ai trois, mais. Non, mais tu vas le regretter. Non, mais les tatouages, c'est joli, ça peut être sympa si vous aimez les tatouages. Pourquoi pas, c'est cool. Mais après. Ça dépend où, tatouages déjà sur le visage, faut. Et déjà, même pour trouver un taf, après, ça va être galère avec un tatouage sur le visage. À part être tatoueur ou perceur. Ouais. Bah, taf, j'en ai déjà un, donc Ouais, mais c'est pas sûr que tu le gardes. Ouais, c'est pas sûr, ouais. Ton patron va te voir comme ça, il va skiser. Si, c'est sûr que je le garde, celui-là. Non, mais bon, après, tu sais, t'as un taf aujourd'hui, on sait pas où tu seras demain, et voilà, faut pas te détruire le corps si tu te trouves, pas beau, c'est pas ça qui va faire en sorte que tu attires plus les autres. Tu seras avec une meuf, Romain? Bah, non, j'en ai jamais eu. Ah, t'as jamais eu de meuf? Ouais, c'est ce que tu veux. Tu sais pourquoi t'as pas de meuf? C'est parce que tu te trouves pas beau. Ouais, exactement. Tu te sens pas bien dans tes pompes, donc t'attires pas les nanas. Regarde, par exemple, pour revenir à Cédric, on en parlait tout à l'heure. Salut les filles! Salut Cédric. Cédric se trouve particulièrement beau. Eh ben, c'est peut-être pour ça qu'il arrive à serrer des meufs. Ouais, ou alors parce qu'il a des goûts de chiottes. Et puis qu'il a souvent des gros, et souvent qu'il a des gros billets dans sa poche. Ouais, si j'allais dire, ou alors qu'il paye, ouais. Voilà, c'est ça. Non, donc, mais si t'es pas bien dans ton corps, fais quelque chose pour, je sais pas, du sport, des trucs comme ça. Oui, c'est vrai. Mutilé, mais. Fais un photoshoot, nous dit, Sumo, là. Fais un photoshoot avec ouais, un pro. C'est une bonne idée. C'est quoi, donc, une séance photo? Bah, il fait des photos, ouais. Tu verras que c'est libérateur, ça permet de s'apprécier. Je suis photographe. Ah ouais, t'essayes de placer ton truc. Ah, il est tatoueur aussi. Et je suis également tatoueur, tu vois, lui il est tatoueur et il te conseille pas les tatouages, il te conseille plutôt un photoshoot. Ouais, mais c'est peut-être pas con. Bon, donc tiens, on va faire un petit tour au standard, tu veux, Romain? Ouais, vas-y, t'inquiète. Allez, on va demander, on a qui au téléphone? Jérémy, en direct de Colmar. On va lui demander, est-ce qu'il faut se faire tatouer le visage, oui ou non? Salut Jérémy. Salut équipe. Salut Jérém, 23 ans et à Colmar. Alors, tatouage sur le visage, oui ou non? Franchement, moi je dis non. Tu dis non? Pourquoi? C'est tout de suite la première chose qu'on voit. J'ai plusieurs personnes qui l'ont fait. Ah ouais, et ils n'ont jamais retrouvé un travail. Ils galèrent à mort. Ah ouais, ils galèrent pour trouver un boulot. Ah ouais, d'accord. Ah bah c'est normal aussi. C'est exactement ce que je vous avais dit il y a un instant. Ouais. Mais ouais, mais c'est normal en même temps, quoi. Le travail. Donc toi, tatouage sur le visage, faut éviter. C'est bien noté. On a qui aussi au téléphone avec nous? Denis de Pontoise. Salut Denis. Salut. Je dirais bien salut, plus. Salut les filles. Salut les filles. Salut Denis. Alors, petit tatouage sur le visage, Denis. T'es pour? T'es non. Pour non. En tant que tatoueur, je déconseille franchement de faire tatoueur. Et en plus, il est tatoueur, tu vois. Il pourrait faire du fric avec toi et te dire, allez, viens, je vais te tatouer le visage de partout. Je vais te dessiner un tribal, la chatte d'Affida Turner. Enfin, magnifique. Des trucs à la mode, magnifiques. Et tu vois, même lui, il le fait pas, Romain. Mais on t'a pas demandé des trucs chelous. C'est une refusée. Non, franchement, même quitte à me demander un tatouage à permettre, quitte à perdre du pognon pour un tatouage sur le visage, je refuse. Tu refuses. Ouais. Et si j'ai envie, dans un gang, de me faire une petite larme en bas de. Je vais peut-être me faire une petite larme en bas de mon œil. C'est typique américain, quoi. Ouais. Ça n'a rien à voir avec. Quand t'as buté France, un mec, quoi. Ça. Ouais. Sympa. Ça va super. Ça va être joli, tiens. Les larmes, la croix, n'importe quoi sur le visage ou quoi que ce soit. C'est typique américain, c'est horrible. Ça n'a rien à voir avec le tatouage français ou quoi que ce soit. Il faut arrêter les conneries. Quoi. Bon, après, Romain, tu vois, tu fais ce que tu veux parce que bon, t'es grand, hein, t'es grand, tu mesures 1m65, mais bon, c'est pas grave. Ouais, mais pour voir qu'il retrouve du taf après derrière, il va bien galérer. Quoi. Bah ouais, t'as vu ce que tu. Non, mais j'en ai un de taf déjà. Attends, parce que tu crois que ton taf, tu vas garder toute ta vie, mais attends, moi j'avais un travail avant, j'étais tatoué et tout, mais j'ai perdu mon travail et maintenant j'ai galère pour trouver du taf. Bah, tu pourrais trouver une meuf. Non, mais une meuf starbée, tu sais, comme les mecs. Moi, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai ma vie de famille, mais en attendant, tant que t'as pas ou quoi que ce soit, réfléchir, c'est pas. Faut pas. Surtout dans notre époque de maintenant, quand tu pour trouver un taf ou quoi que ce soit, t'es obligé de galérer comme pas possible. Ouais. Alors maintenant, t'es tatoué sur le visage ou t'es tatoué dans le cou ou quoi que ce soit. C'est dangereux. Même sur les mains, tu galères pour trouver un taf. Il y a Circus d'ailleurs qui a dissuadé sa meuf. J'ai empêché ma meuf de se faire un tatouage parce qu'elle voulait se faire un gros tatouage sur tout le bras. Eh ben toi, tu l'as dissuadé. Essaye de suivre nos conseils, de faire du sport, de faire attention à toi, de bien te fringuer, Romain. Et Romain, tu fais quoi dans la vie comme taf? Je suis à la SNCF, moi. Non, mais à la SNCF, tu crois qu'ils vont te garder avec un tatouage? Ah non, mais jamais ils vont te garder, gros. Ah ouais, c'est vrai? Un tatouage sur la gueule. Non, jamais, gros. En fait, de toute façon, les mecs que tu vas tâter sur la gueule, en général, ils sont quoi? Ils sont tatoueurs. Voilà. Ouais, c'est clair. C'est vrai. Tu vois, les mecs. Ou alors ils sont dans des gangs. Comme Denis, d'ailleurs. J'ai un pote à moi, qui bosse à la SNCF. Bon, il a pas de tatouage sur le visage, mais il est tatoué vraiment partout, tous les bras, tout ça. Ouais, mais c'est caché, il est pas à poil à la SNCF. Ouais, mais il peut aller au taf en t-shirt, tu vois ce que je veux dire? Il y a ses tatouages sur le bras, mais vraiment de ouf. Après, c'est pas sur le visage, ils l'ont gardé. Ouais. T'as quoi comme tatouage, Romain? T'en as déjà, tu nous as dit? J'ai tout mon bras gauche qui est tatoué, j'ai tout mon bras droit qui est tatoué, ma main droite est tatouée aussi. Après, il y a des filles. Oh, je vais être honnête. Il n'y a pas grand monde à qui ça a plu, hein, ce soir, hein, depuis tout à l'heure, mais il y a Alexandra qui dit: moi, j'adore les tatouages. Un petit tatouage sur le visage peut te donner une personnalité. Donc voilà, je voulais quand même te le lire, celui-ci, mais sinon, tout le monde est à peu près d'accord. Même notre tatoueur, Denis. Merci, Denis, d'ailleurs, du coup de fil, hein. Il n'y a pas de problème. Merci à toi. Pas de problème. Tu vois, un tatoueur qui dit qu'il ne faut pas se tatouer sur le visage, moi, je le croirais à ta place. C'est un bon tatoueur déjà. Et puis, merci Jérém, on est aussi d'accord avec toi. Tu nous as raconté que tu avais des potes qui avaient du mal à trouver du taf parce qu'ils s'étaient tatoués sur le visage. Mais ils ont quoi comme tatouage sur le visage, tes potes? Il y en a, ils ont. C'est un peu comme les Chicanos, comme les Latinos, vous disiez. Ils ont une écriture au-dessus du. Sur le front, au-dessus de l'œil, que des trucs comme ça. C'est jamais des grosses pièces, mais ça chope déjà. D'accord. Ouais. Bon, bah écoutez, merci Jérém pour le coup de fil. Merci Denis pour le coup de fil aussi. Vous raccrochez pas, on vous envoie le beau t-shirt Skyrock. Ne bougez pas. Tu vois, tu mets, toi aussi d'ailleurs, Romain, je t'envoie le t-shirt Skyrock. Tu mets le t-shirt Skyrock et tu vas voir les meufs. Beau gosse. Ça va tomber. Ça va tomber, mais alors, comme des mouches. Bam. C'est la spéciale du dimanche soir avec le meilleur de Difool sur Skyrock. T'es là, Victor? Ouais, je suis là. Salut l'équipe. Salut le tombeur. Salut Victor. Lui, il sert. Il sert sur Tinder. Ah, c'est pas fait encore. C'est pas fait. Ah ouais, t'as pas vu la meuf encore? Oula non. Oula non, pourquoi oula non? Ah bah parce que c'est une histoire un peu compliquée là. Tu vas draguer sur quoi toi? Tu vas sur quel réseau? Donc Tinder, t'as dit Victor? Tu vas que sur Tinder? Ouais, Tinder, j'ai essayé Appen, mais c'est un truc de psychopathe, genre. Pourquoi c'est un truc de psychopathe Appen? Parce que c'est des gens que tu croises dans la rue, ça fait bader quoi. Ouais, c'est abusé. Ouais, si. Explique Appen. Bah genre c'est quand tu te balades dans la rue, si tu croises une meuf qui te plaît et qu'elle est inscrite sur ce même truc, ça géolocalise. Exactement. Ouais. C'est comme Smax en fait. Ouais, Smax c'est pas en un déplaçant. Ouais voilà. En fait là tu croises dans la rue, ça va te dire bah il y a une heure t'as croisé à 5 mètres telle meuf qui était en contact avec ton profil. Et là tu te dis mais putain c'était qui? Et là tu réfléchis, tu deviens fou. Tu deviens ouf ouais. Donc t'as essayé un peu Tinder non poussé, et Tinder ouais. T'aimes bien toi? Tinder, j'aime bien en fait, j'ai jamais concrétisé là-dessus donc

Mes gars sont tous d'ailleurs. La mise elle fait des manières. Et moi je suis complètement ailleurs. Ailleurs, ailleurs, ailleurs. Husky, je suis venu faire le show. J'en fais un peu trop. Je vais vous faire oublier vos super héros. Husky, je suis venu faire le show. J'en fais un peu trop. Je vais vous faire oublier même. À Skip, Skyrock premier sur les nouveautés. La nouvelle de Black M sur Skyrock dans la spéciale de Difool. Il y a une autre nouveauté à découvrir d'ici à minuit sur Skyrock. C'est la toute nouvelle de Soprano. Sopra, titre avec Marina Kaye qui s'appelle Mon Everest. Je vous le mettrai promis d'ici à la fin de l'émission. J'en profite aussi pour vous rappeler que Sopra sera l'invité de Fred dès demain et toute la semaine dans Planet Rap entre 20h et 21h. Il a choisi les auditeurs de Skyrock pour vous présenter son tout nouvel album avec un Planet Rap exceptionnel. Ça sera vendredi soir à partir de 20h. En direct du Stade Vélodrome de Marseille, spécial de Difool qui continue, les 1500 euros, j'avais promis des inscriptions, on va gérer ça dans quelques minutes, on va retourner également sur les applis de rencontre avec l'ami Quentin, est-il victime d'un traquenard ou non, et là on va filer sur les applis de pervers, le répondeur de Pamela, on a mis des fausses annonces sur des sites bien bien trash, des gens ont répondu à ces annonces et c'est Romano alias Pamela qui répond, se fait ça maintenant sur Skyrock. Elle est blonde, ou brune, son sein gauche fait 85A et le droit 95. Elle n'a que 3 doigts. Il travaille dans la mode. Enfin, elle est modéliste, quoi. Pamela. Le moment le plus sensuel de l'émission. Mâle dominateur, prend ma petite salope de travesti ou femme vicieuse cochonne. Ah. Une bonne prise en main. Prise en main. C'est une bagnole. Bonne prise en main du véhicule. Deuxième main. Le mec, il achète une voiture. C'est spécial. Voilà, il achète une voiture et il est mâle dominateur. Dominateur. Bonne petite salope. Mâle dominateur prend ma petite salope de travesti ou femme vicieuse cochonne. Une bonne prise en main. Au 06 18. Bon. On le met en stock celui-ci, mal dominateur, donc première annonce, premier pervers. Par contre, je ne suis pas un travesti. Hein. Non. Ah bah non, alors ça quand même, je tiens à le dire aux nouveaux auditeurs et aux nouvelles auditrices de Skyrock, Pamela n'est pas un travesti, Pamela est une femme. Oui, une femme. Oui, oui. Une vraie. Bon, on y va pour le deuxième petit message pour Pamela sur son répondeur. Oui, bonjour, c'est Franck, j'ai 45 ans, 45 ans, je recherche complicité féminine pour m'amuser et m'éclater. Oui. Vous pouvez me joindre au 0787-95. Il fait des breaks. Non, mais c'est plus ce qu'il avait à dire. Le mec, c'est militaire. Bonjour, c'est Franck, 45 ans. Garde à vous. Pascal de Lille recherche une boîte à sperme. Une boîte à sperme, lui. Au 0625. Il va crever, il est en train de chier ou quoi? Ah oui, c'est ça. Je suis en train de pousser. Pascal de Lille. Ah ouais. Pascal de Lille. Pascal de Lille. On salue tous les Lillois et les Lilloises. Il a le cul fumant, quoi. Les Lilloises qui nous écoutaient, vous habitez peut-être juste à côté de chez lui. Quelle chance. Mais ouais, vous en avez de la chance. C'est un truc de fou. Vous imaginez, vous avez ça à côté de chez vous. Pascal de Lille recherche une boîte à sperme. Une boîte à sperme. Au 06-25. En fait, le mec, c'est le perforas, quoi. Ouais. C'est là. Il cherche quoi, des boîtes à sperme? Oui. Ah, bah, il veut te remplir, quoi. Oui, il veut te remplir, Marie, tu donc, vois. C'est une nana, en fait, une boîte à sperme. Ah, c'est sympa. C'est sympa. Tu es très intelligent. Ouais, t'as vu un peu? Vraiment, alors là-dessus. Il y en a là-dedans. Autine du 64 nous dit, mais il chie pendant qu'il fait ses annonces. Oui, c'est la possible. C'est possible. Ouais, c'est ça, c'est le perforas. Il a son oxygène à côté. Je sais pas. Il est peut-être en train de chier, c'est possible. C'est une énigme, je recherche une boîte à sperme. Ouais. Vous connaissez le prénom du perforas? Il ne s'appellera pas Pascal, par c'est exemple. C'est possible. Hein. Vas-y, mais voir l'annonce avec la musique de Fort Boyard. Alors, attention, voici Pascal, peut-être le perforas. Pascal de Lille recherche. Ça passe, c'est lui. Une boîte à sperme au 06-25. C'est vrai. Attraper la clé. Oui, oui, Pascal, ça, il avait laissé une autre annonce. Ah, elle est en dessous. Il avait déjà laissé. Ouais, mais je sais pas si on l'avait déjà. Elle est ancienne, mais je sais pas si on l'avait déjà écoutée. Mais il chiait déjà. J'ai retrouvé cette annonce, donc il en avait déjà. Il a la même voix. Ouais, bah c'est lui, je pense, on va l'écouter. J'aimerais qu'on s'occupe de moi. C'est le même, non? Qu'est-ce qu'il dit? J'aime bien qu'on s'occupe de moi. Ouais. J'aimerais qu'on s'occupe de moi. Ah, de moi. Sur l'île. C'est lui. Ah, c'est lui. Ouais, c'est lui. Ouais, c'est lui. Ouais. Ouais. Il a la voix qui s'est dégradée quand même. Oui. Pascal de Lille

Ben moi non plus. Ben écoutez, il y a quelque chose sur les réseaux, je sais pas. Apparemment oui. Bon ben c'est tout. Hein. Allô. Ça va pas. Qui c'est qui dit allô? Mais qui c'est qui dit allô alors? Bon, on est trois sur le téléphone. On est à trois sur la ligne. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est qui se passe dans le téléphone? Allô. Et vous êtes de où? De Longuillon? Moi, je suis Longuillon, mais écoutez, essayez de... Eh ben, moi, de... j'ai parlé. Il y a une dame qui m'a appelé, elle dit « Allô ?» Alors, moi, je lui dis « Allô ?» puisqu'on m'appelle. Et elle dit « On m'appelle aussi. » Alors, je ne sais pas ce qu'il y a, hein, sur le... Je ne peux pas vous dire, mais sur le réseau, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah oui, ça, je pense bien. Oui, parce que moi, on m'appelle, mais bon, c'est marqué privé, alors je ne sais pas qui c'est. Oui, bah, moi aussi, hein. Bah, privé, voilà, je crois que c'était mon neveu qui m'appelait de Belgique, c'est souvent privé, alors c'est pour ça que je réponds, parce que non, je connais pas, je réponds pas, alors je ne peux pas vous dire, monsieur. Je suis pas votre neveu, mais j'habite aussi Longuyon, mais je suis pas votre neveu. Non, mais moi je pense que c'était lui, voilà, comme si c'est privé, mais autrement, moi mes numéros s'affichent et je prends que les numéros qui s'affichent. Alors, moi aussi. Ça. Bah oui, bah voilà. Bah ça fait deux fois, hein. J'ai une dame déjà, hein. Oui. Donc, il y a quelque chose sur le réseau, hein. Ah, je pense bien, oui. Voilà, bah écoutez, tant pis, voilà. Allô? Allez, oui, au revoir. Bah. Ah, encore un autre. Allô? On va être à 150... Allô? Allô? On va être à 150 sur la ligne. On va jouer à Scrabble, là. Oh, en ligne. Franchement, je sais. Écoute, tu le suces bien. Voilà. Vous voulez me sucer? Mais oui. Ouais. Avec un gros gosse dans le cul, c'est ça? Voilà. Ouais, absolument, oui. Ah putain, cool. Ah ben, attends. Eh oh. Ah ben ils sont tous partis. Ouais, c'est un beau final de Patrick. Ah ben Patrick intervient et là t'as toutes les familles qui parlent. Elles étaient trois, c'était un triple appel. Wow, un autre. Encore. Un autre, un autre, un autre. Ok. Ok. Eh ben c'est reparti. Allez, nouvelle famille. Ouais, on appelle des voisins dans le 37. Ah très bien, des voisins, ça c'est bien là les voisins. Parce que parfois ils se reconnaissent. Allô. Ah. Allô. Oui. Allô. Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ah, oui, vous êtes qui? Allô? Oui, ben je voudrais bien savoir qui vous êtes, vous, c'est vous qui m'appelez. Ah non, ah, ben, non. Je crois qu'on est en train de nous appeler, on est en train de se faire pourrir par la pub, voilà, et on est trois sur la ligne. Ah, voilà. Voilà. Écoute, tu le suces bien. Oui, là il y a un problème. Bon, écoutez, oui, je raccroche. Là il y a un problème, hein. Je crois qu'on... Allô? Allô? Bah, je vous laisse, hein, parce qu'il y a la pub qui nous pourrit, je suis désolée, mais je suis comme vous. Ah, c'est bon, là. Eh bien, je sais pas, il y a des pubs. Moi, sur mon téléphone, c'est des points d'interrogation. Oh. Mon téléphone vient de sonner. Oh, j'ai des croches. Absolument. Hein? Bah, devine. Oui, c'est un appel masqué, oui. Allô? Voilà. Et il y a encore d'autres personnes sur la ligne. Bon, moi, je raccroche, parce que... Allô? Merde! Oula. Mais ça va durer longtemps, espèce de tocard! Allô? Allô? Ça va durer longtemps votre comédie là? Oh. C'est Janine, ma... Janine! Oui, mais moi je vous ai pas appelé, alors vous me foutez la paix s'il vous plaît. C'est hein. Janine! C'est ça fait une heure que ça dure le cirque. Décalote complètement. Et ta gueule, connard! Ça va bien, qui c'est qui fait le con? C'est pas moi, non? Ouais, absolument, oui. Ça sonne chez moi, c'est pas moi, j'ai pas de numéro masqué, moi je peux te le donner, mon numéro, j'ai pas peur. Je vais te donner une petite. Combine là. Tu veux mon numéro? Écoute, tu le suces bien. Ouais, espèce de tocard, bah, je vais te faire voir, moi, abruti. Eh ben, ils sont super dans le 37. À un moment, ils étaient 4. Ah ouais, quatre, bordel. 4 à la fois. L'autre, elle comprenait rien. Ils ne sont ni médecins ni psychologues, mais ils vont quand même t'aider à résoudre ton problème. Voici la séquence la plus utile de l'émission. Le problème du mois sur Skyrock. Fafa, oui. Il est de Marseille en plage. Il est créé au forum Palais de la Soumission. Ouais. Et lui, en fait, il aime bien se prendre des coups de pied au cul. Ça l'excite terriblement. Ah, oui. Ah ouais. Alors, ce qu'il aime, c'est. Il essaye des fois. Il a déjà demandé à des potes en leur disant ouais, tu voudrais pas me mettre un coup de pied au cul. Bon, ses potes l'ont fait, mais eux, ils savaient pas que c'était sexuel. Et après, ils ont vu qu'il bandait, donc ses potes, ils veulent plus faire. Imaginez, vous avez un pote, il vous demande un truc et ça le fait bander. Comment vous réagissez? Ah ben moi, pareil, je lui refais plus. Okay. Voilà, vas-y Romano, tu veux pas me donner une gifle? J'ai, vous savez que Cédric, je l'ai déjà giflé. Hein. Ouais, le pauvre. Oh. Moi, je m'en rappelle. Ce jour-là, je t'ai dit, Romano, tu y allais un peu fort. Bah on est sorti du studio, il m'a énervé, j'ai mis une calotte, il voulait plus rentrer après. Non mais j'ai trouvé que tu y étais allé un peu fort et c'était pas sympa avec. Non mais il est bizarre lui. Ouais. Bah écoute Marie, mais respecte un peu. Marie, on bah, est dans, je respecte. On est dans le problème, hein. Bon, alors pour, il a essayé de trouver des gens qui voulaient bien lui mettre des coups de pied au cul sur Internet. Ah. Tu sais, sur des chats de cul et tout ça. Pour le moment, aucun succès. Oh, comme c'est dommage. Il avait rencontré une meuf, tout se passait bien, jusqu'au moment où il lui a dit ouais, tu voudrais pas me mettre des coups de pied dans le cul. Et alors? Elle a refusé, elle s'est barrée en courant. Ouais, parce qu'en plus, c'est compliqué si t'es en train de baiser c'est de pas ça. Non, mais non, mais en fait, lui, ce qu'il voulait, c'est se mettre en levrette et genre, la meuf, elle lui met des choux dans le cul, quoi. Ah oui, si il lui demande ça au bout de deux jours, forcément. S'il y a un joueur de foot qui nous écoute, chacun d'un qui nous écoute le soir, eh bien, n'hésitez pas à nous passer un coup de fil. Vous pouvez rendre service à Fabrice, ça l'aiderait bien, le pauvre garçon. On vous mettra en contact avec Fafa. Fabrice, donc coup de pied au cul, ça le fait bander. Il est content. Non, mais c'est vrai, mais c'est un peu un SM, tu vois. Ouais, il y a peu, des trucs qui font un peu mal, ça, wow, ça excite. Enfin, Marie, t'aimes bien des fois qu'on te fasse mal? Non, ah non. Est-ce qu'il y a non mais mal, je m'entends, pas qu'on te mette une patate dans la gueule non plus. Mais... ah non. Genre, je sais pas, on pince les tétons. Ah non, immonde. Et ça te fait mouiller très fort. Vous savez, moi, de pincer un téton, moi, ça me fait mal pour elle, donc c'est ce genre de truc, je fais pas ça. Ah, c'est clair. Personne dans l'équipe aime se faire marave un peu à non, Romain des réseaux sociaux. Alors toi, t'aimes bien qu'on te fasse mal comment, par exemple? Qu'on me morde les tétons, qu'on me les pince, qu'on me les tourne. Tu aimes bien avec une pince une pince à linge. Ouais. Non, même mieux, les pinces, tu sais, pour recharger les batteries de bagnole. Pas mal. Ah ouais, les pinces électriques, encore mieux. Non, mais ça existe, hein. Ouais, des crocodiles. Ouais, je sais, les crocodiles, les pinces crocodiles. Si vous connaissez pas Romain des réseaux sociaux, il a une sexualité un peu spéciale. Marie, elle est en train de lui. Mais fort. Et Marie, elle lui pince les tétons et il est là plus fort. Je suis en train de lui faire mal. Non, mais ça fait du bien. Et t'aimes bien les baffes? On peut te mettre une baffe chacun? Non, mais si aussi. Et un pas dans la gueule. Je te baffe. Viens où? Tu vois, mais on étrangle le cou aussi. On peut se strangule. Ouais. Toi, t'es chelou. Toi. Non, mais tu veux pas qu'on te mette une baffe et après que tu bandes. Oh, bah non, t'es bizarre. Ah, bah attends, mais c'est lui qui dit que ça l'excite. Non, j'aime pas le pipi ni le caca, mais le pipi, t'aimes pas. Bah, il faut s'ouvrir hein, quand même. Bah oui. Ouais, il est déjà ouvert, je crois, t'inquiète. Bonjour Laetitia. Bonsoir. Comment vas-tu, Laetitia? Eh ben, super. Bah écoute, nous aussi, ça va bien. Je suis contente de vous avoir. Bah, c'est gentil, Laetitia. Bienvenue sur Sky. Donc, toi, tu nous appelais parce que par rapport au problème du mois ou l'autre qui se faisait taper dans le cul, là, Fafa. Ouais, ça le faisait bander. Qu'est-ce que tu voulais lui dire à Fafa, toi? Voilà, je voulais lui dire que moi en fait j'ai eu un plan cul en fait pour le coup, oui. Qui aimait se faire écraser, broyer, frapper les couilles, voilà. Ah ouais. Donc voilà. Mais comment ça s'est arrivé? Il t'a demandé ça comment? Ah bah il m'a demandé ça, en fait il était très ouvert, hein. Voilà, bon moi je suis déjà à la base un petit peu ouverte. Bah manifestement. Non mais on peut être ouvert, mais de là à se faire écraser les couilles, ça fait trop mal en plus. Il m'a lancé ça comme ça, quoi, en plein acte, est-ce que tu veux bien frapper, j'aime ça, ça me donne du plaisir, donc voilà. Mais et tu l'as fait? Bah je l'ai fait, ouais, parce que en fait voilà, j'étais partie sur le principe de lui faire plaisir. Oui. Mais ça t'a pas excité? Voilà. Mais genre t'as fait quoi, tu lui as broyé les couilles? Ah ouais, bah il voulait que je lui monte dessus aussi, ou avec des talons. Sur les couilles. Dans les couilles. Ouais. Ah mais c'est un ouf le mec. C'est compliqué parce qu'on nous a toujours appris que ça fait mal. Ah bah oui, non mais je te confirme, ça fait mal. Oui, ça c'est sûr. Si, les gars, si vous avez des couilles, imaginez une meuf qui monte avec des talons aiguilles sur vos couilles, par exemple, c'est pour ça que ça peut non, faire mais même mal. Qu'il les écrase, ça fait trop mal. Ouais. Oui. Ouais, c'est ça, mais voilà. Mais lui, il était content, mais il avait les couilles dans un bon état, elles étaient encore rondes. Bah ouais. Et en fait, ce qui m'a étonné, c'est qu'il a réussi à faire un gosse derrière. Ah ouais. Oui, parce que ce que j'allais dire, ouais, le mec il prend des risques quand même. Il va se bousiller le matos, quoi. Non, c'était vraiment c'est ce qui lui donnait du plaisir et c'est comme ça qu'il prenait son pied dans la douleur en fait. Donc je pense que vraiment il y a des gens qui aiment la douleur. Quoi. Et genre tu lui broyais les couilles et tu sentais qu'il bandait plus fort à ce moment-là quoi. Ah ouais, il bandait plus fort et vraiment ça, même son visage changeait. Il était content, tu lui faisais plaisir. Ah ouais. Et tu l'as vu qu'une fois? Bah, je l'ai vu plusieurs fois, donc il a été progressivement initié un peu à ces délires-là. Mm-hmm. C'est vrai que moi, c'était pas... Oui, j'imagine que c'est pas trop ton truc. J'aime bien découvrir plein de choses, mais après... Mais à part les couilles, il voulait, par exemple, je sais pas, que tu lui mettes des tartes ou... Allez, ouais. Non, ça, par contre, non. En fait, il aimait lui souffrir, pour le coup. Oh, mais avec une tarte, ouais, mais bon, si tu lui mets une tarte dans sa gueule, il va souffrir un peu, quand même. Oui. Mais j'ai vu sur le net, il y a des trucs comme ça. Il y a des meufs maîtresses, là, qui sont habillées en cuir. Ouais, ouais. Ouais. Qui écrasent des mecs. J'aurais dû acheter mon fouet, peut-être. Ah, ça, c'est le genre de truc qui lui aurait plu, par exemple. Ouais, tu serais bien en cuir et latex. Cuir latex avec un fouet. Ah, bah, lui, il aurait kiffé. Ouais. Ah, il aurait dit, piétine-moi, quoi. Broie-moi les couilles. Mais il y a Romain des réseaux sociaux qui m'a dit, c'est pas une douleur qui fait mal, c'est une douleur excitante. Mais c'est ça, m'a fait rup un peu. Mais tu fais peur, hein. Tu te fais broyer. Ah ouais, tu te fais broyer les couilles. Il arrive avec un gros sourire en plus. Non, je me fais pas broyer les couilles, mais non, oui, ça fait pas mal, c'est excitant.

pour toi. On me dit souvent arrête un peu, tu vas me mettre dans la merde. Tu sais la vie c'est pas un jeu, tu crois qu'il ferait pareil pour toi. Alors les gars, expliquez-moi, un pote c'est quoi exactement? Un genre de frère présent à chaque moment quand parfois t'as la nausée, à deux doigts d'exploser, la seule chose sur laquelle tu pourras te reposer. Ouais, mais j'ai mon lit pour ça. Hein. Non Brice, tu comprends pas, ce qu'on te dit, ton ami, c'est ton seul rempart. Et la famille? Et la famille c'est pour la vie, mais y'a celle par défaut, et y'a celle que tu choisis. Mais ça me rapporte quoi? Rien, à part des rires et des galères. Donc pas de fric et de salaire? Non, rien, et écoute bien, si tu te perds en chemin, il donnerait tout ce qu'il a pas si t'en as vraiment besoin. Les gars, merci, je crois que j'ai compris la valeur d'un ami, le seul qui pourrait surfer avec moi le jour d'un tsunami. Quand parfois j'ai la nausée, ouais, que mon cœur pèse des tonnes. Donc les gars, on est potes. C'est vrai? Non, je déconne. Je vais pas être pote, Brice, avec des rappeurs de merde. On est les premiers à vous le passer. Big Flo, Oli et Jean Dujardin, alias Brice de Nice pour un pote en nouveauté. Sur Skyrock, ça approche dans moins de 20 minutes maintenant. Soprano et Marina Kaye, Mon Everest, nouveauté. Skyrock, la spéciale qui continue, le meilleur de D-Fool, avec tout de suite un pervers qu'on a trouvé sur des sites de rencontres un peu trash. Il s'appelle Francky, Franck Damien. Il y a D-Fool qui vous fait écouter son annonce. Et juste après, c'est Romano, alias Pamela, qui lui passe un coup de fil. Déjà, lui commence en gémissant son message, c'est bon signe. Eh. Bon, voilà. Bras, les yeux bleus. Une queue de 22 cm. 06 22 76 pour voyeuse branleuse suceuse. Gros sein apprécié, arrosé, soumise à dépraver. Oula. À me présenter dans la tenue de mon choix aussi. Lui, c'est un gueudin, lui. Aucun tabou avec les femmes. Voilà, ouais, ouais, lui, ouais. À dépraver. Lui, c'est filmé, il a déjà parlé, lui, ou pas? Hein? Non, non, jamais. Ah non, jamais. Elle avait juste entendu son annonce. Ça veut dire quoi, dépraver, Marie? Il veut la défourailler. Bah ouais, un dépravé, bah, c'est ça. En gros, pour. Déprave-moi. Vas-y. Moi, je suis l'épave. Non. Oui, vas-y. Je suis l'épave. Allez. Allez. Ah. Ouais. Allô? Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir, qui êtes-vous? Je suis Pamela. Pamela, oui. Ouais. Et toi? Et vous oui? Moi, c'est Franck. Franck? Tu es d'où, Franck? Je suis de la région d'Amiens. Ah, très bien. Et toi? Moi, je suis à Amiens même. C'est pas vrai. Et si? Ah bon? C'est pour ça que j'ai entendu ton annonce. Je me suis dit, il faut que je l'appelle. Ah, tu as quel âge? Ah, moi j'ai 25 ans. Oh, hein? Tu es jeune, hein? Moi j'ai 45 ans. Ah, moi personnellement, ça ne me gêne pas. Je préfère les hommes d'expérience. Ah, d'accord. Et tu es comment? Là, je suis en nuisette. Ah, hein? Et physiquement, tu es comment? Ah, attention. Je fais 1m70. Oui. Je suis blonde et brune. Oui. J'ai une belle poitrine, 95B, 95E. B ou E? B. Ça. B. B, oui. 95B. À droite. Et la minette est épilée devant et un peu plus longue sur les côtés. D'accord, je vois, c'est soigné. Oui, t'es clitoridienne, vaginale, anale? Un petit peu détroit. Ah, oh, d'accord, d'accord. Grande, petite, hein? J'ai pas saisi. Ah, je fais 1m70. Oh, ça va, c'est bien, c'est bien. Et qu'est-ce que tu aimes pratiquer? Bien, écoute, moi j'aime le sexe sans tabou, avec un homme qui sait bien s'occuper de moi. Ah, d'accord, ok. Tu sais que si on se rencontre, je te mets la main dans ton string. Hein. Oh. Ah ben oui, ben y a pas de problème. Hein. C'est ma façon de dire bonjour. Hein. Ah ouais, tu fais ça comme ça, toi? Ah bah oui, hein. Même je te dis bonjour. Même quand tu connais pas, même dans un lieu public, tu me mettras la main dans le string. Oui. Ah d'accord, très bien. Et ensuite, on fera quoi? Ah bah ensuite, ça dépend, écoute. Faut que je te plaise, faut que tu me plaises, hein. Et admettons que ça colle entre nous, qu'est-ce que t'aurais à me proposer? Tu aimes les préliminaires? Ah bah j'adore. Ah bah écoute, je vais te bouffer la chatte, te pomper le clito, te lécher les seins, on va pratiquer le 69, oui. Tu vas frotter ta chatte sur moi aussi, hein, je vais frotter ma queue sur l'arrêt des fesses là pour que tu me sentes bien bandé, caressant tes seins pour te faire bander des tétons, hein, Tu vas me sucer aussi. Tu suces comment, en gorge profonde ou pas? Ah, moi je suce bien, on m'a toujours dit que je suçais très bien. Ah, ah, tu sais que tu m'es... Ça te dérange pas si je me caresse un peu en t'écoutant, là? Bah non. Ah. La voix qui prend. T'es comment? T'es installé comment, là? Là, je suis sur mon lit, là, les jambes bien écartées, là. Ah, ah j'ai remonté ma nuisette, j'ai la minette à l'air. Ah ouais, et t'as pas, tu portes pas de string, rien, pas non, de culotte? Non, pas pour dormir. T'es à poil en dessous? Ouais, je suis à poil et je pointe. Oh, dis donc, Imagine un petit peu ma tête entre tes cuisses, là, mes mains sur tes seins, ma langue dans ton vagin, je bois ton jus intime, là, je pompe ton clito. J'aime bien te faire ploter les fesses aussi. T'as un gros cul, un petit cul. Tu mets du combien en culotte? Je mets du... mon pantalon, je mets du 38. Ah ouais, t'as un petit cul, hein. Ah, t'aimes bien les petits culs ou tu préfères les gros, toi? Non, petit, moyen. Gros. Ouais, t'aimes tout, toi. Comment? Tu aimes tout, toi. Ouais, j'ai pas de tabou. Ah, aïe. Ah, et au niveau du derrière, tu lui ferais quoi? Ah, t'as envie que je te prenne le cul? Ah, bah évidemment. Hein? Ah, là, tu m'as bien chauffé, toi. Et t'es de quel quartier, Amiens? Amiens Nord. Ah, d'accord. D'accord. Et mon cul, alors, tu lui ferais quoi? Bah écoute, viens me chercher, puis tu verras. Ah, pas ce soir, mais bientôt, j'espère. Bah tu, ouais, tu, si tu veux. Tu es célibataire, marié? Ah, moi, je suis toujours disponible. Hein. Mais tu es marié, donc? Non, je ne suis pas marié. Il y a 10 ans que je suis divorcé. Ah oui, ça t'a travaillé. Mes enfants sont grands. Oui. Et je vis seul. Ah, tu vis seul, donc tu peux recevoir. Ouais, je peux recevoir. En plus, je peux même te recevoir avec mon cousin, tu vois. On te pèsera à deux. C'est bien. Ah bon? Ouais, si tu veux, lui t'enculera, puis moi, tu me suceras. Ah, ça, c'est peut-être un peu... Peut-être pas au début. Non, je dis pas du début, hein. Oui, il faut déjà qu'on se connaisse, tout ça, et puis qu'on voit comment ça se passe. On te déshabillera. On te déshabillera nous-mêmes. Oui. On fera des commentaires sur tes nichons, sur ton cul, sur ta chatte, sur ta bouche. Oui, et après? On te plottera, on te fera sucer nos queues. Oui. Bah, évidemment. On se branlera sur tes seins. Bon, bah, tant qu'on y est. Bon. Après, avoir sucé ta queue, c'est limite sauf ta queue. Que tu machines de médecin. Non, mais peut-être on va déjà commencer à deux. Après, à trois, on verra, quoi. Mais tu voudrais être complètement dépravé, quoi. Moi, être dépravé? Mais je suis déjà dépravé. Ah, je veux savoir si toi, tu es dépravé. Ah bah écoute, dépravé, mais sans doute moins que toi. Ah bon? On t'a jamais fisté la chatte? Comme tu y vas, toi. Hein? Ah non. T'as une drôle de voix pour une nénette de 25 ans. Arrête de te foutre de ma gueule. Ah mais non, pas du tout. Mais je suis grippé là, un petit peu là. Ouais, t'es grippé. Tu veux du sirop de cordon, c'est ça? Ah ouais, vas-y. Tu voudrais pas de bon? Tu veux que je te tienne par les cheveux puis que je te baise la bouche en te disant que t'es une salope? Oui, fait flipper quand même. Non, mais c'est vrai. Non. Si. Ah, tu me fais peur. Mais non, mais c'est un jeu. Ah bah ouais, oui, c'est un jeu, oui. C'est pas comme je dis. À toi, si tu t'accroupis sur ma bouche, tu vas me dire, tu vas me dire quoi? Bouffe-moi la chatte, alors. Bah ouais, c'est sûr. C'est ce que je comptais te dire. Et bah, faut être honnête, alors. Ah bah oui, non, mais t'es direct, toi, hein. Oui, je suis direct, ouais, c'est vrai. Je suis direct, t'aimes pas? Si, c'est surprenant. C'est surprenant, pourquoi? T'es tombé sur des mecs coincés? Ah bah écoute... Un peu plus que lui, oui. Oui, un peu plus que toi, oui. Mais tu fais souvent des rencontres? Non. Bah, là-dessus, sur les... Comme tout le monde, hein, y a des hauts et des bas, hein, c'est tout. Je ne vis pas que de ça. Hein. Ah bah. Oui. Bah, moi non plus, hein, mais bon... c'est vrai qu'un mec chaud comme toi, dis donc, là... toi, t'envoies le bois, comme on dit. Hein. Moi, je suis pas plus chaud qu'un autre. Hein. T'as ta bite, elle est comment? 22 cm par 4, les couilles rasées. Et l'anus aussi? Non. On touche pas mon cul. Ah, on peut pas te mettre un doigt dans le cul? Non. Oh, tu sens un petit doigt dans le cul? Non, une fois, il y en a une, elle a voulu me mettre un doigt dans le cul, je lui ai chié sur sa gueule. Il est soft, hein, lui. Bon, je vais te dire qu'après, hein, l'ambiance était un petit peu froide. Hein. Ah bah, ça, oh bah, c'est un shoot sur sa main. Oui, surtout. Même si c'était fumant. Hein. Bon, mais bah, écoute, quand est-ce que tu serais disponible, toi? Tout de suite. Non, mais là, tout de suite, moi, je peux pas. Mais je sais pas, semaine prochaine ou semaine d'après, parce que là, moi, je vais m'absenter quelques jours, là. Ah ouais, si tu veux, hein, quand t'auras une voix un peu plus féminine. Hein. Bah écoute, là, j'espère que... J'ai l'impression que je vais rencontrer un camionneur. Hein. Non, pas du... Ah non, tu rigoles, attends, je suis vachement féminine. Je travaille dans la mode. Oui, j'espère. Je travaille dans la mode, je suis modéliste, moi. Oui, oui, oui, oui. Puis moi, je suis maquettiste. Ah, musicienne en plus. Eh oui, oui, j'adore jouer des cymbales. Ouais. Et du tambour. Bien, tu vas faire de la musique, tu vas avec tes cymbales, tu vas voir. Hey, je te refais la petite musique, écoute, je joue des cymbales et du tambour. Tu m'as peut-être déjà vu, je suis dans la fanfare, Damien. Bah, comment elle s'appelle, la fanfare Damien? Bah, la fanfare Damien. La viennoise. La viennoise. Ah bon? Eh ben oui. Ah non, je connais pas. Ah bah écoute, tira voir sur internet. Tu fais de la musique avec ton cul aussi. Oui. Tu sais que j'ai également un incroyable talent, je fais de la musique avec mon derrière. Ah oui, ça j'ai entendu déjà, oui. T'aimes bien toi, hein. T'es branché cul en fait. Ouais, je te pèterai bien la gueule. Alors, il est content. Bon, écoute, ce que je fais, c'est que je vais pas te déranger plus longtemps. Tu me déranges pas, hein. Ah, toi, tu veux rester? Bah, écoute, tu es en train de te branler, en fait. Non, pas du tout. Tu voudrais pas te branler? Non, tu me donnes pas envie. Ah. Oh. Désolé. Hein. Ah, bah, c'est pas grave, hein. Tu sais, je comprends. Hein. Des fois, il y a des gens qui ont du mal à bander. Ouais, ça dépend des situations, voilà. Hein. Tu es un bon bandeur, hein, crois-moi. Tu bandes bien veineuse. Mais non, les mecs, ça me fait pas bander, je suis désolé. Ah, mais je suis une femme, je t'ai dit, je suis pas Mela. Je suis avec une copine, elle s'appelle Maryse. Ouais, vas-y, fais-moi entendre ça. Allô? Bah, salut. T'as changé de voix ou c'est vraiment Maryse? Bah non, c'est Maryse, je suis avec copine de Pamela. Ouais, parlez un petit peu toutes les deux en même temps. Bah, on parle en même temps. Bah, parle, Pam. Bah, je peux parler, oui. Voilà, on parle en même temps. Coucou. En même temps, en même temps. Coucou, coucou. Ah ouais, d'accord. Tu en es deux. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites alors? Ben, on t'appelle. Oui, ça c'est vrai. Ben oui. Je pense qu'on va bonne se bouffer réponse, la chatte. Bonne réponse. Ben oui, je m'occupe un peu de Pam parce que comme elle est malade, elle est un peu grippée. Elle me bouffe la chatte pour que ça aille mieux. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Et je vais vous croire. Hein. Ben, c'est vrai? Ah ben oui. Ouais. Et je vais vous croire. D'accord. Allô? Et vous êtes de quel quartier alors, Amiens-Nord? Amiens-Nord, oui, on a Amiens-Nord. Ah, il y a bien un nom de rue, non? Ben, je... De Bussy. Rue de Bussy. À côté du square. À côté du square, rue de Bussy, à côté du square. Ah, ça t'empouche à quoi, ça, hein? Oh, Maryse. Oui, Pam. Oh, Maryse. Ouais. Oui. Bon, mais il fait pas très chaud. Hein. Non, mais il fait le chaud au début, puis après il se refroidit. Ah, quoi. C'est dommage. Tu voudrais pas dire des trucs que tu m'as dit tout à l'heure parce qu'elle a pas entendu Maryse. Ouais, elle est comment, Maryse? Ah, elle est mignonne. Hein. Oh. Mais oui, dis-moi, Pam. 1m70. Aussi. Ah, bah oui, à peu près. Ouais, quoi. Ah, vous faites dans le 1m70. Hein. Ouais. Elle fait. Bah oui. Combien tu fais de kilos? Tu fais combien de kilos, ma chérie? 60 kilos. 60 kilos? Ouais. Un bon petit cul, une bonne paire de seins, une bonne bouche à pipe. Tout ce qu'il faut. Quoi. Et on adore s'amuser. Ah oui, ça, elle aime la bite. Hein. Ah, c'est bien. Et là, t'es habillée comment, Maryse? Ah bah là, je suis en nuisette, je suis avec Pam dans son lit. Toi aussi, t'es en nuisette? Bah, bah oui, je dors chez elle. Vous gouinez. Ah, vous gouinez assez. Bah on aime bien, ouais. On s'occupe l'une de l'autre. C'est ça, on se gouinasse, comme tu dis. Est-ce qu'il vous manque, c'est un mâle, quoi. C'est ça, bah déjà toi, ce serait déjà pas mal, hein. Ah, un mâle comme moi. Un beau mâle, mais tu veux pas redire des cochonneries, là, Maryse, elle avait pas entendu tout à l'heure. Ah oui, j'ai pas entendu. Maintenant qu'elle a mis le haut-parleur, je t'entends. Ah oui, mais comme quoi, tu viens frotter ta chatte sur ma gueule de salaud, je vais boire ton jus intime, je vais te fouiller le vagin avec la langue. Qui c'est qui pète encore là? Non, c'est quelqu'un qui vomit ça. Ah ouais, t'es chaud. T'es malade toi? Mais non, je suis pas malade, c'est l'expérience. C'est tout. Après, ça se passe comment? Il y a pas longtemps, écoute, hey, je vais être franc avec vous. Ah oui, je vais être franc avec vous. Vas-y, vas-y. Je suis tombé sur une nana de 51 ans. Et oui, 51 ans, il y a pas longtemps. Attention. Un joli corps quand même. Hein, oui. Une personne active dans la vie. Mmh. Écoute, une vraie nympho. On a fait l'amour plusieurs fois, oui. Bah évidemment. Oui. Mais écoute, j'ai plus envie de la voir non plus parce que j'ai trouvé plus dingue que moi, quoi. Mais genre, elle t'a fait quoi? Attention. Ouais, franchement, elle en avait jamais assez, quoi. Mais elle voulait quoi spécialement? Bah, elle voulait de la queue, hein, c'est tout. Mais insatiable. Insatiable. Ah oui, quand même. Insatiable. Elle t'a épuisé, quoi. Complètement insatiable. Ah ouais, non, mais attends, on l'a baisé à deux mecs, hein. Ah ouais, elle t'a tout ça. Je veux dire, on est quand même déjà des bons cochons, quoi. Et hein, tu l'as des beaux salauds, si vous préférez. Des salauds, hein, des salauds. On lui a tout fait, on l'a enculé, elle nous a sucé en gorge profonde. Bien allumé et tout. Eh ben non, elle en avait pas encore assez. Ah bah ça, c'est ouf. Ah bah dis donc, une gourmande celle-là. Bah Marie, c'est les pareils. Bah ouais. Insatiable. Pour aller au Coca Shop, on s'habille, hein. Là, tu vas en avoir, là. Ah ben ça, j'ai l'impression qu'on va en avoir avec toi, ouais. Bah écoute, ce qu'on fait, c'est qu'on te rappelle bientôt. Ah bah ouais. Oui. Et puis, on te fait un gros bisou. Ouais. Toi, t'es un marron, toi. Bonne soirée. Bisous, Francky. Bon, bah, amusez-vous bien. Salut, hein. On va se gouinasser, comme tu nous disais. Ouais, salut les gouinasses. Salut. Salut, bisous, ciao. Là on a tiré le bon numéro. Putain, hein. C'est chaud de rester sérieux. Lui tu le croises avec son cousin là, mais découpe. Ah ouais, mais à la vache. On va t'attacher, on va. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de Difool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. Et le tout nouveau Soprano, allez, on va se le mettre dans moins de deux minutes après ce magnifique pervers, l'arrivée de Sopra et Marina Kaye, les Marseillais. Ça s'appelle Mon Everest, nouveau son de Soprano. On va se le mettre juste après le réveil de star de Soprano. Le réveil de star, c'est tous les matins sur Skyrock dans le morning de Difool à 6h15, 7h15 et 8h15. Justement, pour le réveil de star, on a utilisé la voix de Romano pour réveiller une famille. Voilà, la démonstration, c'est maintenant et juste après le nouveau Sopra. Alors, les stars réveillent la France. C'est le réveil de stars sur Skyrock. Et on a donc appelé Alain. C'est parti, Alain, et le réveil de stars de Soprano. Allô. Bonjour, bonjour. C'est Marcy. Mais bien sûr que non. C'est qui, là? C'est Soprano. Je vais vous tromper le numéro, hein? Non. Qui c'est? Qui raconte? Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment tu te sens aujourd'hui? C'est de la part de qui? C'est Soprano. C'est qui, monsieur Soprano? Soprambaba. C'est quelqu'un de Leuilly? Ah oui, oui, oui, oui. C'est un gars de Leuilly, Baba, je sais pas quoi. C'est Baba, c'est ça. Vous êtes un chasseur ou quoi? Ouais. C'est un chasseur. Et pourquoi? Bah, il demande pourquoi vous téléphonez. On est en train de foutre le bordel. Bah non, mais il est en train de se doucher, c'est pas marrant pour lui, hein. Et on s'en fout. Hey, allô. Allô. Allô. Oui. Mais je sais pas qui vous êtes. En fait, je l'ai dit, en fait. Et vous faites quoi exactement? Ce serait pour un renseignement, s'il vous plaît. Oui, bah allez-y, je vous écoute. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais une femme pendant une journée? Oh, mais c'est quoi ce délire, là? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux savoir qu'est-ce que tu ferais si tu étais une femme pendant une journée. Non, mais vous êtes un détranqué ou quoi, là? Un détranqué? Mais bien sûr que non. N'importe comment, je préviens la gendarmerie si vous arrêtez pas, hein. Oui. Tu dirais quoi si un mec te propose de l'argent pour coucher avec toi? Ouais, bah, moi, vous donnez votre nom, vous venez, je téléphone à la gendarmerie. Non, on verra sur le tas, t'inquiète pas. Venez, vous allez voir. Ça veut dire oui. Quoi, ça, votre système, là? T'inquiète pas, j'ai des principes et un honneur. Sans couille, Sopra. Eh, hey, content, Sopra. Et on a bien, rigolé. Moi, je fais de gendarmerie, moi. T'es un détranqué. Ah, détranqué. Eh oui, Sopra. Moi, c'est quoi ce système, là? Le pauvre Sopra s'est fait traiter de détranqué, t'imagines? Ah, bien, cousin. Ah, bien, cousin. Hein. Ah, c'est un chasseur. Voilà, ils ont pas aimé les questions de Sopra. Non, ils ont pas trop aimé, non. Sopra, merci pour ton interview de ce matin, ton interview des familles dans le réveil de Star. Merci à la famille d'Alain. La femme, le mari, c'était super. Ouais. Ah ouais, bravo à tous. Quand on les entend tous les deux, on sent que c'est le grand amour, ils se sont trouvés. Hein. Oh, toi, t'es tranquille. Arrête, gendarmerie.

dans le cours de la nuit et puis demain matin aussi dans le morning de Difool entre 6h et 9h. Merci à vous tous, on a passé une belle soirée, la spéciale de Difool, c'était cool. Donc Difool demain matin avec Romano, ça sera parti pour 3h de déconne et de cadeaux pour le morning entre 6h et 9h, la radio libre qui reviendra en direct aussi demain soir sur Skyrock à partir de 21h avec Difool et toute l'équipe. Et puis là, on laisse l'antenne à Fred et DJ Kay, ils sont en train de s'installer, c'est parti pour 2h de rail comme tous les dimanches soirs sur Skyrock. Rail suprême maintenant, bonne nuit à tous. Rail suprême. Mmh. 2h, DJ Kay, cette ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Soirée, bon dimanche soir, il est là comme chaque dimanche au Rancard, prêt. Eh ouais, et content. DJ Case, hein, comment va? Et content d'être là. Mais je sais, en pleine forme. Comment ça se rafraîchir dehors? Ah. En scooter, c'est pas facile. Ça devient un peu compliqué, mais en même temps. Ouais, voilà, mais on est toujours gâtés, là pour... On a été gâtés. Toujours là pour vous réchauffer. Exactement. Quoi qu'il arrive. Dimanche soir, rendez-vous avec le chauffage central pour tout le monde. Et avec DJ Case au platine, au programme, qu'est-ce qu'il y a, Case, ce soir de prévu? Bah, au programme, ce soir, tiens, je vais mettre beaucoup d'oriental. On nous en demande de plus en plus, comme on avait élargi un petit peu ces derniers temps. Là, ce soir, on va mettre beaucoup d'oriental et on va se faire des flashbacks, des classiques, il y aura de tout. Donc, grosse ambiance soirée, on va démarrer. Et ben, on y va, sur les chapeaux de roue. Ouais. C'est parti, DJ Case au contrôle, c'est Rail Suprême. Marine, tu sais, ce soir, ça va mal. J'ai trop de choses sur le cœur, donc il faudrait que l'on parle, Marine. Si je m'adresse à toi ce soir, c'est que tu es pour quelque chose. T'as tout fait pour que ça foire, Marine. Dans le pays de Marianne, y'a l'amour, y'a la guerre, mais aussi le mariage, Marine. C'est Rail Suprême, Skyrock. Sais-tu qu'on sera des millions à payer l'addition? Ma haine est immense en ce soir de décembre. Quand je pense à tous ces gens que tu rassembles, tu sais. Moi je suis comme toi, je veux qu'on m'écoute. Et tout comme toi, j'aimerais que les jeunes se serrent les coudes, Marine. T'as un prénom si tendre, un vrai prénom d'ange. Mais dis-moi ce qui te prend, Marine. On ne sera jamais amis parce que ma mère est française, mais que je ne suis pas née ici, Marine. Regarde-nous, on est beau, on vient des quatre coins du monde, mais pour toi on est trop. Ma haine est immense quand je pense à ton père. Il prône la guerre quand nous voulons la paix. Donc j'emmerde qui? Le Front National, moi j'emmerde qui? Le Front National, moi j'emmerde qui? Le Front National. Marine, tu es victime des pensées de ton géniteur. Génération 80, on a retrouvé notre fureur, Marine. T'avais l'honneur d'être proche de l'ennemi, d'installer un climat paisible dans nos vies, mais Marine, t'es forcément intelligente, t'as pas songé à tous ces gens que t'engraines dans l'urgence, Marine. T'es mon aîné et pourtant je ne te respecte pas. Il m'a fallu faire ce choix, Marine. Tu pouvais briser la chaîne, prendre la parole et nous rendre nos rêves, mais Marine, t'as fait la même connerie que lui. Penser que le blanc ne se mélange pas à autrui, Marine. On ne sera jamais copine parce que je suis une métisse et que je traîne avec Ali, Marine. Plus je te déteste et mieux je fais. Et plus je proteste et moins nous payons les frais. Donc j'emmerde qui? Le Front National, moi j'emmerde qui? Le Front National, moi j'emmerde qui? Le Front National, moi j'emmerde qui? Le Front National.

16h, DJ Case t'ambiance avec